Hanouna. Michel Sardou va essayer de découvrir ce que chante Pierre Belmar. Il va en chanter 5, il faudra 3 bonnes réponses pour remporter le cadeau. D'accord, Élise ? D'accord, Cyril. Attention, premier titre pour Pierre Belmar. C'est parti. On lui balance donc le titre dans les oreilles. Pierre Belmar est en train d'écouter. Didadidadidadère. Isa. Titadidadidadère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, vous avez trouvé, vous avez dit quoi ? Mika, mais quoi comme chanson de Mika? T'as utilisé? Non, mais attendez, mais comment vous avez trouvé? C'est ça, c'est bien Mika. C'était ça. Oh, mais comment vous avez fait? Elle est trop forte! C'est impossible! Vous voyez que je peux aider quand même, hein, et faire gagner. Ouais, parce que vous m'avez pris pour faire perdre. Non, mais oui, je peux faire gagner. C'est incroyable. Bah non, elle est traductrice de langage technique, ça. Continuons. Jean-Pierre. Non, moi, je fermais les yeux, j'ai l'impression que c'était Mika. Oui, bah. Non, mais c'est vrai. C'était lui. Allez, deuxième titre. C'est parti. Écoutez dans le casque, Pierre Belmar. Je sais pas comment elle a fait pour trouver alors Mika. Alors ça. Franchement. Élise, vous habitez chez Pierre Belmar actuellement, quoi. Allez-y. I went to hell. Na, ouais, l'OL. Moi, j'ai compris, allez, l'OL. Ouais, c'est ça. C'est tout. Il fait na, ouais, l'OL. Alors, vous avez dit quoi ? J'ai dit ACDC. I went to hell. On l'écoute. Oh là là. Bonne réponse. Non, mais elle me dit avec Pierre Belmar, c'est pas possible. Non, celle-là, il a bien chanté. Ouais, celle-là, c'était bien, pas mal. Jean-Luc. Ah, ouais, non, j'ai vu Angus Young. J'ai vu concert. C'est bien cette chanson-là. Ouais. Non, oui. Bon. ACDC, oui. Vous aviez trouvé ça, Michel Sardou aussi. J'avais trouvé. C'est le Hell qui m'a. C'est le Hell, ouais. Vous êtes dit, ça, c'est. Bon, un mal de chien, pourtant. Hein. Attention, la troisième, c'est parti. Voilà. Michel, vous avez trouvé? Oui, moi j'ai trouvé. Oui. Ah bah oui, moi aussi j'ai trouvé. Oui. On a tous trouvé là, c'est ça, bien. C'est facile, c'est femme des années 80. Oui, oui, oui. Eh bien joué. Bravo. Eh mais Pierre Belmar. Ah mais si vous me donnez des mélodies, moi je les chante mal, mais je les chante quand même. Pas mal. On s'en fait une petite dernière pour le pour la route. Avec une plaisir. Petite dernière. Attention, là, ça attention, là c'est que Michel Sardou qui doit trouver. Attention, c'est parti. Élise, vous avez gagné, vous de toute façon le cadeau. Attention, c'est parti. Doudé. C'est Papa Outé. Doudé. C'est pour Michel Sardou. Quelqu'un Michel, qui cherche quelqu'un. Est-ce que vous avez trouvé? Michel Sardou est paniqué. Oui, je crois que c'était lors d'un cache-cache, ça. Outé. Michel, vous l'avez? Papa, outé, bon, voilà. Papa outé, c'est Stromae, papa outé. Outé, papa outé. Merci. Est-ce qu'on peut faire sortir Pierre Belmar, s'il vous plaît? Merci. Il a un casque dans les oreilles, il doit chanter ce qu'il entend. C'est voilà. Parti, premier titre. Il est en phase d'écoute. Attention. Alors, c'est ton Pierre Belmar. Est-ce que vous avez le titre? Ah non, pas du tout. Eh bien, c'était ça. Pas si loin, hein. Mais il n'est pas si loin. Et à quand un duo Shakira Pierre Belmar. Il faut qu'il se trémousse Pierre Belmar quand il chante en fait. Allez, on part au deuxième. Allez, c'est-à-dire ouais. Il a doublé le nombre de notes. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Allez, je chante à l'ancienne. Deuxième titre, Juliette. Da di da di da da da da da da di da di da da da da da di da da da di da da da di da di da da da da di da da. C'est bon, Pierre. Di da di da da da. C'est bon. Ouais. C'est bon. Josiane, est-ce que vous avez une idée? Non, ça me disait quelque chose, mais c'est parti. Da di da da da di da da. C'est bon, vous dites les gondoles à Venise, Juliette? Ouais. Et c'était ça. Juliette, on va faire quelque chose que je ne fais jamais. Mais étant donné que ce jeu ne tient pas, s'il faut 3 bonnes réponses, hein, parce que c'est assez difficile, tout va se jouer sur cet extrait. D'accord ? Sur le prochain extrait, c'est maintenant. Pierre Bellemare est en phase d'écoute, les pieds dans les oreilles. On compte sur vous, Pierre. Allez. Je ne peux pas dire les paroles. Hein. Non. C'est pas les paroles, ça. Parce que c'est ça, c'est les paroles qui permettent de savoir ce que non, c'est. Ouais, mais on parce peut que pas. Ce n'est qu'un rythme. On peut pas. Alors, c'est d'une gaieté, vous pouvez pas savoir. Qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus? C'est formidable. Pierre, là, c'est dur. Il y a pas le refrain? Ah, mais j'ai pas entendu le refrain. Alors, c'était le refrain. Il y a un refrain, il y a que ça. Écoutez, est-ce que vous avez une idée, Juliette? Dites n'importe quoi. Bah, j'aurais dit Shabadabala. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est beaucoup plus récent. Ah bon? Oui, c'est une chose moderne, mais comme toutes les choses modernes, de grande valeur. C'est une chose moderne pour Pierre Bellemare, écoutez. C'était Je lance le Mia, I am, c'est perdu pour Juliette, mais on a quand même les deux places de cinéma pour aller voir. Encore une fois, si vous me passez des chansons, je pourrais les chanter, mais pas ce qui n'est pas des chansons. Bon, merci. Respectez Ayam, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, il est d'une humeur. Vous allez jouer, Céline, avec Pierre Bellemare, qui va chanter ce qu'il écoute dans ses oreilles, ce qu'il entend dans ses oreilles. Il y aura 5 titres, il faudra en trouver 3 pour gagner le cadeau. Et Jacques Weber vous viendra en aide. Vous voulez dire bonjour à Jacques Weber, quand même un immense acteur qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Weber, enchanté. Bonjour, c'est Céline. C'est votre style de mec, Jacques Weber? Ah bah il est beau. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il est beau. Moi je l'ai devant moi, et bah écoutez, si je n'étais pas moi, et bah je serais lui. Voilà. Allez, Pierre Bellemare, premier titre, c'est parti. Alors là il est en phase d'écoute, vous connaissez un petit peu le principe, vous qui nous suivez depuis deux jours. Oui, j'ai entendu bien, si vous voulez bien être un peu plus explicite. Point. C'est très dur. Il se passe rien. Alors, vous écoutez Pierre Bellemare, vous, Jacques Weber, et vous dites c'est très dur. Oui. Vous pensez à quoi? Il connaît bien Pierre Bellemare. Est-ce que monsieur Bellemare peut recommencer? Parce que j'ai pas bien identifié. Alors, Céline, est-ce que vous avez une idée? Ah bah autant Edith Piaf que Maître Gims, je ne vois pas du tout, non. Vous ne voyez pas du tout. Pourtant, je trouve que celle-ci, il a pas mal chanté. C'était ça. C'était Beyoncé. C'était Beyoncé Bellemare. Et je trouve qu'il a fait une belle prestation pour cette première. Attention, deuxième titre pour vous, Céline, c'est parti. Plus facile ça, je pense qu'il va aimer ça. Ça y est, écoutez. C'est pas une tête de quelqu'un qui aime, hein. Et écoutez, Jacques, je vais vous dire la vérité, Jacques Weber, c'est que j'ai le titre c'est devant moi. C'est une première, vous faites des essais, là. Alors, Jacques, même moi, je vous le dis, j'ai le titre devant moi, je le reconnais pas. Céline, est-ce que vous avez trouvé? Peut-être la boîte de jazz? La boîte de jazz, c'est pas loin. C'était les Forbans. D'accord. Quoi, tu peux lui laisser dire quelques mots quand même? Non, alors, on peut pas dire de mots. On va faire quelque chose, Céline. Et normalement, vous deviez trouver 3 titres. Il faudra en trouver 1. C'est gentil. Je crois que c'est mieux, oui, c'est vrai. Voici le 3e. Jacques Weber vous aide, je vous le rappelle. Énormément. Jean-Marie là. Ah, oui. Oui, moi je pense que je l'ai. On dirait une chanson de Dalida, non? Oui, mais attention, c'est Jacques Weber qui doit aider. Céline, est-ce que vous avez trouvé? Dalida? Céline, vous vous fichez de moi? Non, mais j'en sais rien. Non, vous dites Dalida? Problème, bah, où elle est? Vous dites Dalida, écoutez. C'était bien Dalida. Céline, vous avez gagné, c'est bon, puisque j'avais déjà dit. Ah, mais dès qu'il y a un air, on peut gagner. Quand il n'y en a pas, c'est impossible. Alors, justement, on va s'en faire une petite en bonus, pour vous aussi, Céline, et pour vous, Jacques Weber. C'est la chanson préférée de Pierre Bellemare. Si vous étiez là en début d'émission, vous le savez, vous savez de quoi il s'agit. C'est parti. Pierre Bellemare, on vous écoute. Il est en phase d'écoute, là. C'est le tube du moment, vraiment. C'est vraiment le titre que tout le monde écoute. Pierre Bellemare va nous le chanter. Pierre, c'est bon, c'est parti. Alors c'est un monsieur qui parle, n'est-ce pas, sur une musique bizarre. Chantez-le, chantez-le. Parle... Alors maintenant, il y a l'air maintenant. Allez-y. Sur la papi, palalapapapa, palalapapapa, tapipapapa, à route. Eh bien, elle a trouvé Céline, Black M. C'était ça, bien joué Céline. Oui, ça te bouchon. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a pas de danger, tu peux te réfugier. Et oui, on a demandé quand même à Pierre Bellemare de chanter sur ce segment. Bravo Pierre et bravo Céline. Merci d'avoir été avec nous Céline. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo encore à Pierre Bellemare qui joue bien le jeu. On va faire les pieds dans les oreilles, mais sans Pierre Bellemare, c'est Jean-Pierre Foucault qui va avoir le casque dans les oreilles. J'aimerais m'excuser auprès de toutes et auprès de tous, avant toute chose, car chacun le sait, je ne sais pas chanter, mais je veux bien accepter ce défi que vous lancez. Eh bien, merci Jean-Pierre. Vous allez avoir un casque dans les oreilles. Pardon, mais d'abord, si ce sont des chansons à vous, je suis désolé. Non, alors, on va voir, il peut en avoir. Ouais. Jean-Pierre Foucault, vous aurez 5 chansons à chanter, il faudra en trouver 3. À chanter, le mot est fort. Hein. Oui, et c'est Sonia qui va jouer avec nous. Sonia, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement en direct de chez moi. J'attends. Sonia, c'est énorme. On dirait qu'elle fait un truc pour le Parti Socialiste, vous savez, pour les chaînes info. Écoutez, je suis devant le QG du Parti Socialiste. On vient de voir Arnaud Montebourg passer devant Solferino avec une tête des mauvais jours. Je pense qu'il va perdre son ministère. Merci Sonia d'être avec nous. Faites quoi dans la vie? Faites alors, quoi dans je cherche un emploi, en fait. Dans le domaine du secrétariat, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes à Saint-Pal-de-Mont. C'est en Haute-Loire, c'est ça. Vous avez un beau brin de voix, vous, hein, il paraît. Ah, merci. Hein, vous pourriez nous chanter quelque chose comme ça ou pas? Oui, bon, comme ça. Une chanson de Benabar. On s'en fout, on n'y va pas, on a cache-cache chez toi, on commandera des pizzas, toi, la télé. Alors, moi. Sonia, vous cachez sous les toits. Oui. Eh ben, écoutez, très bien. C'est presque plus poétique que l'original. Oui, c'est vrai. Côté ardoise. Lui, se cacher sous les droits, vous, c'est sous les toits. Oui. Allez, vous allez jouer avec Jean-Pierre Foucault. Il y aura 5 titres hein, qui va vous chanter. Il faudra en trouver 3 pour gagner un très beau cadeau, Valérie Benaïm. Alors, il s'agit de gagner un sac Tans pour tous les goûts et toutes les couleurs. Taton Tans. Plus d'infos sur www.tans.fr. Merci, Valérie. Allez, Sonia, vous jouez avec Jean-Pierre Foucault. Donc, 5 extraits. Jean-Pierre, vous entendez le premier extrait? Je sais, ça, c'est. Un... C'est bon, Jean-Pierre. Je pense que c'est un truc de majorette, ça. En fait, Pierre Bellemare chante plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous avez trouvé Sonia, ce que vient de chanter Jean-Pierre Foucault? Pas du tout. Bah, nous non plus. Jean-Pierre, je vais vous dire, c'était ça. D'une mélodie. C'était début de soirée, nuit de folie. Et, oui. et Jean-Pierre, vous trouvez que vous l'avez bien chanté? Je ne sais pas, je ne me suis pas entendu. J'écoute pas Europe. Oui, n'écoute pas. Oui, n'écoute pas. Allez, deuxième titre. Attention, écoutez bien, Sonia. La c'est parti. Patata. Oh, se calme. La patata. Excusez-moi. Est-ce qu'ils ont fait un jeu ou il fait un AVC? Alors, je peux reconnaître la musique de Nemo. Non. Le petit poisson. Est-ce que vous avez trouvé, vous, peut-être, Benabar? Il y avait un indice quand il a fait. Non. Non. Vous avez trouvé, vous, Sonia? Scatman. Oui, c'est ça! Bien joué. Et fort! Très fort. Je trouve que c'était même mieux que l'original, moi. Mais oui. Et Jean-Pierre Foucault, fort. Ouais, un coup de bol, oui. Ouais, coup de bol. Allez, troisième titre, c'est parti. Alors, excusez-moi, Jean-Pierre, vous pouvez chanter un poil moins fort? On est au bout du bout. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez chanter un poil moins fort? Le principe du micro, c'est de pas gueuler dedans. Allez-y, Jean-Pierre. Justement, si tu pouvais. Bon, alors, on y va. Ça sent le James Bond, non? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez trouvé Sonia? Non, j'aurais dit James Bond aussi sur le coup et non, j'ai pas. C'est pas James Bond. J'aime bien la concentration de Benabar qui cherche. Benabar, vous avez trouvé? Non, j'ai pas trouvé. Oui, c'est minable à ce jeu. Oui, bah oui, mais vous n'êtes pas le seul. écoutez, c'était ça. Il était pas mal, moi, j'avais reconnu. J'avais reconnu parce que j'avais la réponse. Allez, tout va se jouer. Sur ce dernier titre, allez, on fait 2 bonnes réponses pour gagner, hein, Sonia. Oui, allez, c'est sur celui-là, c'est parti. Ta-ta-la-la, trop pour moi. Pa-la-la-la. Je crois l'avoir, je vous laisser, mais j'ai peut-être une idée. Vous avez peut-être une idée? Ouais. C'est quoi? Whitney Houston. Attendez, on va voir. Est-ce que Sonia, vous dites quoi, vous? Ouais, j'aurais dit pareil. Whitney Houston? Ah bah voilà. Oui, heureusement qu'elle n'entend plus ça. Ah oui! Eh oui, c'était pas mal. Et c'est gagné, Sonia! Bravo! C'est pour vous le sac Tance, pour tous les goûts et toutes les couleurs, le fameux Tâton Tance. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort Jean-Pierre Foucault. C'est très bon. Bravo Jean-Pierre. Je serai au Palais des Sports du 6 au 14 octobre. Oui, ne venez pas. Oui, donc ne venez pas. On va passer donc à Pierre Bellemare pour les pieds dans les oreilles. David, vous connaissez le principe. Il va chanter ce qu'il entend dans son casque, Pierre Bellemare. Il faudra 2 bonnes réponses sur 4, d'accord? Pour, bon, gagner, d'accord, pas de soucis. Pour gagner le cadeau, attention, c'est parti. Pierre Bellemare, on vous écoute. Il est en train d'écouter là, hein. Vous connaissez le principe. Donc, allez papy, allez. Padi bala badam pam padam padam padi bala padam pam padam padam padam bala badam pam padam badam padam padam padam pam padam padam pam. Alors, c'est terminé. David, vous avez 20 ans. Normalement, vous devriez trouver ce que vient de chanter Pierre Bellemare. Est-ce que vous avez une idée dans le public ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne, non, c'est personne. Normal. Et autour de la table. J'aime entendu cette chanson, personne. Ah, d'accord. Nous non plus. Hein. Alors, David, est-ce que vous avez une idée ou pas? Non, j'ai aucune idée. On va dire du Black M. Mais Black M, donc c'était sur ma route. Non, c'est pas ça. C'était ça qu'il chantait. C'était Jean-Jacques Goldman. Il changeait la vie. Eh oui. C'est... Mais je l'ai pas reconnu, moi, tout de suite. On n'a pas un gros succès de Goldman. Hein. Si, c'est un gros succès. C'est un gros succès. Ah, bah, si, c'est un gros succès. Allez, on passe à la prochaine. Tant pis, alors j'avais jamais entendu. Attention, David, concentration. Voici la prochaine. Il se concentre. Celle-ci. Oh, ça n'a pas l'air de lui plaire. Non, attention, il va la chanter. Tiens, t'es un petit pater, pipa la papa, la rapille, la la l'air, y'a pas pipapa. Tipa, tipa, pipa, père, pipa, pipa. Il a encore vu combien de verres, Pierre Bellemare. Ça n'a aucun intérêt, c'est tout le temps comme ça. Alors, donc refaites-le pour moi. Allez-y, va. Tida, dida, da, dida, da. Il y a un refrain. Di da di di da da, je ne sais pas, j'entends pas en même temps, c'est tellement brouillé que c'est infernal. Alors, est-ce que vous avez trouvé, c'est David? Tout, c'est du charabia. Ah, c'est déjà qui chante, Pierre Bellemare. C'est du pâté, quoi. C'est ce qu'on aime aujourd'hui. Quoi, est-ce que vous avez une idée? C'est ce qu'on aime aujourd'hui, il a donné un indice. Oui, c'est du pâté, il a dit. Oui. Donc, ça devrait vous aider. Oui, du pâté un peu, pas tout à fait frais. David. Non, j'ai aucune idée. Mylène Farmer, alors c'est du pâté, hein, autant dire. Non, ça va lui faire plaisir à Mylène qui nous écoute. C'était ça. Oh la vache, c'est dur. Ouais, c'était Lady Gaga. Bah oui. C'est dur à chanter. Je n'ai jamais écouté Lady Gaga de ma vie. Ah oui. Alors, je vais vous dire, ça va se jouer sur cette dernière chanson. On va faire un titre à trouver. Hein. Alors, ça va jouer sur celui-là. Attention, c'est parti, Pierre Bellemare, écoute. Il est en train d'écouter. Da di da di da da da di. Ah oui. C'est, ça monte à un aigu terrible. Hein, je suis capable de faire ça. Attendez, il est en train de se préparer là. Ouais. Il est en train C'est très, c'est entièrement hors de mon c'est pas grave. Faites-le hein. Comme vous le sentez. Ouais. Ta ta ti ta. Faut changer de chanson sinon, parce que là. Da di da da. Bien. Da di da da. Ah, je m'étais promis que j'allais pas chialer. Et ça monte encore au-dessus. Ouais. C'est une très belle chanson, ça, par contre. C'est très mélodique. Ah. Mais je suis incapable parce que j'ai pas la voix. Est-ce que vous avez trouvé, David? Ici, autour de la table, ils ont trouvé. Ils ont trouvé, David. Alors, est-ce que vous avez trouvé, vous? Moi, j'ai pas trouvé, mais si Valérie peut donner la réponse, ça m'arrangerait. Alors. C'était repris par une chanteuse québécoise, je crois. Alors, oui, c'est une chanteuse. Ah, c'est Mistral Gagnant. Mistral gagnant, c'est non. Pas du tout ça, David. Non. Mistral perdant. C'était ça, c'était Céline Dion. très très dur à chanter. Ah ouais, ouais. Elle a une voix extraordinaire, cette dame. Alors, vous savez, on va, tout va se jouer sur cette dernière. D'accord. Encore. Cette dernière chanson. Il y a pas, il y en a cinq autres. Cette dernière chanson. C'est la dernière. Attention, vous pouvez avoir François Berléand qui peut vous aider sur celle-ci, David. D'accord. Attention, d'accord. On y va. On envoie dans le casque de Pierre. Ah oui. Celle-ci, normalement, ne devrait pas poser de problème. Ah, il gigote. Il gigote. Il gigote. Ouais. Il gigote en tout cas. Non, il a des convulsions, ça n'a rien à voir. Il est très abîmé. Bravo. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est de la chanson. Le refrain, est-ce c'est du rap, évidemment. Ah oui, c'est du rap. Oui. On avait tous compris. Hein. C'est du rap, excellent rap. Ça se passe en Bretagne. C'est du rap, voilà, ça se passe en Bretagne. Ah. Est-ce que vous avez trouvé, David? Ça y est, l'indice. David. Oh là là, un rap en Bretagne. Oh là, non, j'ai pas. Est-ce que François, il l'a? François, est-ce que vous l'avez? François Berléand. Un rap breton. Oui. Le rap breton, on ne connaît pas bien. À part Mano, je ne vois pas un rap breton. Eh ben, la réponse, c'est ça. Écoutez. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma famille. C'est bien Mano, bravo Nelly. Allez, Audrey, on va jouer donc avec Pierre Belmar. Vous avez Patrice Lecomte qui peut vous aider, d'accord? Alors attention, il faudra trouver trois titres et c'est gagné, d'accord? Oui, je vous plains voilà, d'avance. Vous, Pierre. Pierre se concentre. Attention, Pierre, est-ce que vous entendez le premier titre? Ça y est, c'est parti. Apparemment, on me dit que c'est parti. Pierre, vous chantez quand vous voulez, sans les paroles, bien sûr. C'est parti. Ti-ta-ta-tam, ti-da-da-da-di-da-der, ti-ta-ta-tam, zia-da-bi-di-di-da-der, tam-tam-tam-tam, ari-pa-da-pa-pi-pa-per, ti-ta-ta-ta, c'est extrêmement renouvelé, tim-tam-tam-ta. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez une idée autour de la table? Je vais le débrancher, c'est pas grave. Patrice Lecomte, est-ce que vous avez une idée? Aucune idée. Alors, Audrey, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il vient de chanter? Bah, excusez-moi. Bon, je c'est anglais, je précise quand même. Mais... C'est anglais. L'américain, surtout. Oui. Alors, bah, écoute. C'est anglais, d'accord. Bah, c'est... spécialité, super. C'était ça. C'était Gala. Chantez dessus pour voir, regardez. C'est ça, la mélodie. Hein. On va chanter dessus pour voir, regardez, vous allez voir, c'est pareil. Regardez. Mais c'est la même mélodie, je suis d'accord. Il avait bien chanté. Il l'avait bien chanté. Attention, deuxième titre. Il n'y a pas de mélodie. Deuxième titre pour Pierre Belmar. Ça y est, il l'a dans ses oreilles. C'est toujours un titre en anglais. Je rappelle que Patrice Lecomte peut aider. Malheureusement, je pense qu'il. Alors là, j'ai plus de mal et j'ai la réponse. Alors, est-ce que vous avez une idée, Audrey? C'est encore anglais. Excusez-moi, je patauge. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous dire, il doit en chanter 5. Je vais encore revoir les règles. Vous allez devoir en trouver une, d'accord? Une, Audrey, parce que sinon le cadeau ne partira jamais. C'était ça. Oh là là là, Annie Lennox. Allez-y dessus, on va. Regardez ce qu'il faisait. Attention, troisième titre, Audrey. Alors là, celle-ci aussi, c'est une chanson, voilà, c'est une chanson contemporaine en plus, hein, voilà. En plus. Il la chante super bien. Ah, je la connais. Tadam. Je crois que j'ai reconnu. Eh mais oui, c'est alors, parce que c'est des chansons, il y a quatre notes, hein, parce que c'est tout le temps la même alors, chose. Alors Audrey, est-ce que vous avez trouvé? Alors Jean-Luc Lemoyne peut vous aider peut-être. Je pense que c'est une chanteuse américaine. Alors, oui, c'est encore une chanteuse américaine. Vous dites, ça paraît Katy Perry. Oui, c'est Fireworks. Bonne réponse. C'était bien chanté, mais il y a très peu de choses dans ces chansons. Il y a quatre notes. Quoi. Mais je vais vous dire, il y a une mélodie ridicule. Oui, mais des belles notes. Vous avez beaucoup donné et c'est réussi. Bravo Pierre Bellemare et Audrey, vous gagnez. Vous allez voir, ça va vous mettre l'eau à la bouche d'écouter Pierre Bellemare chanter. Hein, vraiment, là, vous allez voir, vous allez prendre votre rôle de juré à cœur. Pierre Bellemare va chanter tout ce qu'il entend dans ses oreilles et une auditrice qui est avec nous va essayer de trouver David Hallyday. Pourra vous aider, Marilyn, hein, qui est avec nous. Je peux vous dire, vous allez avoir besoin d'au moins l'aide de David Hallyday parce que vous connaissez Pierre Bellemare. Ouais, vous connaissez le jeu, Marilyn. Je connais le jeu, oui, en effet. Oui, il vous plaît ce jeu ? Oui, il me plaît. Déjà, bonjour. Bonjour, Marilyn. Bon anniversaire. Merci, Marilyn. Merci beaucoup. Vous avez décidé d'aller vivre en campagne, hein, puisque vous habitiez à Paris avant, et vous vivez maintenant avec un perroquet, des poules, des lapins, des chiens, c'est ça, hein ? Exactement. Bon, c'est ça, une petite ferme. Et oui, vous habitez chez Pierre Bellemare ou quoi ? On peut partager nos connaissances, mais je pense que ça va déjà être sympathique là. Avec lui. Musique. Alors attention, il y a un très beau cadeau à gagner, hein, parce qu'on rigole beaucoup sur cette séquence, mais il y a quand même du lourd à gagner puisqu'on va pouvoir partir en séjour. Exactement, hein, Marilyn, c'est un séjour de 2 jours et 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants en Futuroscope, en hôtel 4 étoiles, avec en plus les lapins crétins qui envahissent le parc cette année. Oui, ils seront là-bas. Je les ai eu au téléphone hier, ils sont là-bas actuellement. Ils s'éclatent. Allez, on y va. 2 titres et c'est gagné. Voici le premier. Essayez de trouver ce que chantent Pierre Bellemare et David Hallyday est là pour vous aider. Attention, musique. Tu vas ramer, David. Non mais il y a des infirmiers qui vont arriver. C'est une très très belle chanson. Je vous jure. Très nerveux. Je demande en régie, vous êtes sûr de l'ordre ? Ce que j'ai sur ma feuille, c'est ce qu'il vient d'écouter. Ah oui, d'accord. David, vous avez une idée ? Non. Mais je vous comprends. Une chanson de cirque, je sais pas. Ah non, mais là, j'y arrive pas. Entraîné par la foule d'Edith Piaf. Mais ah bah non, si c'était ça, je l'aurais fait. Dadi da da da da, dadi da da, dadi da da, dadi da da. Mais malheureusement, c'est pas ça. Dadi da da, dadi da da. C'est bon. C'était ça. Oh là là. C'est les Big G's. Mais il n'y a pas de musique. Valérie Benaïm, quand même. Attendez, il y a eu un truc très drôle qui s'est passé, c'est que Valérie Benaïm m'a dit c'est les Big G's. Il faut choisir soit c'est les Big G's ou soit c'est les Big Jim. Mais les Big G's, ça n'existe pas. Non, mais c'est pas ça, mais c'est essentiellement du rythme. Donc la mélodie est très en dessous. Ça y est, là, il va repartir. Elle est à peine sensible. Vous l'énervez, Allez. N'oubliez pas que ce genre de chanson, je les entends pour la première fois. Moi, ça date déjà de 70. Donc... Non, mais c'est pas de ma faute, je n'aime pas ça. Deuxième extrait, Marilyn, il écoute dans le casque. Tati badatati papa, titati badabada papa, titati badabada papa, titouti badabada popo. J'ai vu du son sortir des oreilles de David Hallyday. Alors, c'est bon, Pierre. Marilyn, est-ce que vous avez une idée? Là, je sais absolument. C'est espagnol, sans doute. Sans doute. Enfin, sud-américain. Oui, alors on va écouter la réponse, c'était ça. Oh. Ouais, mais c'est impossible à faire. Il a raison, Pierre. Merci. Ah. Voilà. C'était donc un message codé. Oui, c'est ça. Alors attention, 3e titre. Attention, Marilyn et David Hallyday peuvent vous aider, je vous le rappelle. C'est parti. Attention, Pierre Bellemare est en train d'écouter. Ah, pas mal. Pas mal. Vous avez une idée là ? Il y a peut-être Jean-Luc Lemoyne qui peut vous aider. Vous avez une idée ? Moi, je pense que c'est double jeu. Double jeu de Christophe Willem. Vous pensez à quoi, David, vous aviez une idée ? Non, moi, je pense pas, non. Alors, Marilyn, est-ce que vous suivez Jean-Luc Lemoyne ? Ça se joue maintenant. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je suis Jean-Luc Lemoyne. Vous suivez Jean-Luc Lemoyne. Attention, tout de suite, révélation. C'est comme ça qu'est-ce que tu veux. Ça y est, là, bien non, ce qui est terrible, c'est que je peux vous révéler un secret. Je n'ai pas du tout l'oreille musicale, mais je perçois les sons de Pierre Bernard. C'est dingue. Nous sommes complices. Marie-Lyne. Nous faisons des tours de magie d'ailleurs. Ouais. Vous partez au Futuroscope de Poitiers grâce à Jean-Luc Lemoine et grâce à Pierre Bernard. Là, c'est un cadeau commun, en effet. Deux jours et deux nuits pour deux adultes et deux enfants. Donc au Futuroscope, l'hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles. Et vous verrez donc les lapins crétins qui ont envahi le parc. Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Les pieds dans le plat avec cette séquence qui a fait... La légende des pieds dans le plat, hein, bien sûr, c'est les pieds dans les oreilles, c'est Pierre Bellemare qui va chanter, on va lui mettre un casque sur les oreilles, il va chanter sans parole, bien sûr, hein, bien entendu, et on va essayer de retrouver les titres que chante Pierre Bellemare. Francis Huster va aider Françoise, qui est avec nous, oui Francis, vous allez voir, vous allez essayer de retrouver les titres que chante Pierre Bellemare. Il va en chanter trois, il faudra une bonne réponse, voilà, une bonne réponse sur les trois, hein, parce qu'on connaît un petit peu la personne. Françoise, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être là, Françoise. Vous êtes chanteuse, vous, en plus, hein ? Oui, c'est ça. Vous chantez beaucoup d'Edith Piaf. Oui, c'est oui, quoi, oui. C'est quand votre chanson préférée d'Edith Piaf ? Mon Dieu. Mon Dieu. Allez, vous pouvez nous faire un petit coup de Mon Dieu ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un mois, deux mois, six mois... Laissez-le-moi encore un peu à moi. Françoise, merci, bravo, applaudissements pour Françoise. Bravo. Bravo Françoise. Il y aura trois titres chantés par Pierre Bellemare. Pierre, est-ce que vous êtes prêt? Vous avez donc Francis Huster pour vous aider, Françoise. C'est okay. Parti, on vous écoute, Pierre Bellemare. Première chanson, il est en train d'écouter dans son casque. Essayez de trouver. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors ça c'est trop aigu pour moi là, je peux plus là. Non mais allez, là, je peux plus du tout là, ça monte tellement que je peux pas. Et il dit qu'il chante pas, il fait rien. Il y a Olivier de Kersauzon qui s'en va, hein. Oui. Discrètement. Il est au bout du rouleau. Est-ce que vous avez une idée, Françoise? Ben non, parce que en fait il fredonne pas beaucoup, donc. Il faut vraiment chanter plus que ça, Pierre, parce que sinon vous n'aidez pas Françoise. Mais vous me faites rigoler, franchement là je me permets de répondre dans mon casque. Vous allez vous en prendre une. C'est impossible. Il n'y a pas de mélodie. Mais si, je la connais, la chanson, arrêtez. Mais non, il n'y a aucune mélodie. Si. Mais non, réessayez, Pierre. Mais non. Je vous jure qu'il y a de la mélodie, non. Je l'ai fait. Mais peut-être, mais alors, moi je ne sais pas chanter ce genre de mélodie. Je l'ai fait. Donc, ne me demandez pas ça, je ne sais pas chanter alors, ce genre de mélodie. Alors, Pierre, remettez-le, voilà. Vous allez voir. Non, mais je ne veux pas faire Francis, ça. Francis, est-ce que vous voulez le faire? En quoi? On va le faire. Regardez, mettez le casque de Pierre Bellemare, vous allez voir, Francis Huster va le faire, vous allez voir que c'est faisable. Vous allez voir que c'est faisable. C'est parti. Attention, allez-y, il va écouter. Oh, c'est impossible. C'est en anglais, hein. Oui. What a passionnant. What the oui, c'est une belle chanson. What the but voilà. What the c'est exactement ça. Je pense que Francis Huster est complètement bourré. Ah oui, c'est terrible. C'est magnifique, Francis Huster. Alors, Françoise, est-ce que vous avez trouvé Françoise? Oh, il y a pas moyen là, non, vraiment non. Alors, je vais vous dire, c'était ça. Oh là là. D'accord, Get Lucky. D'accord. Get Lucky, les Daft Punk. Do it the king. Oui, oui, d'accord. Tu mets ça. Oui, c'est. Oh là là là là. Très facile à chanter. Eh oui, alors attention, deuxième de Pierre Bellemare. Attention, vous mettez la 3. Ça va être pire. Attention, non, non, celle-ci est facile. Celle-ci est facile. Attention, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit quoi? Je suis d'accord avec elle. Les Spice Girls, Wannabe? If you wanna be my love. C'était ça! Ouais. Bravo! Bravo, Pierre Bellemare! Voilà! Sur les Spice Girls. Ouais, mais une belle mélodie. Eh oui, I wanna. Il a pas de mérite, il faisait partie du groupe. Eh bien, c'est gagné pour vous, c'est gagné, Françoise. Merci, Françoise, d'avoir été avec nous. Manger les radis. Ah oui, effectivement. Je vais mettre ça ce soir en soirée. Ah oui. Manger des radis. Il y en a un autre. Vous connaissez Bernard Biarel? Non. Il a chanté les radis de la vie. Ah oui. Ah. Je dirais pas que Sébastien, un peu, ouais. Non, non, non. Oui, ah, si, si, c'est pareil. Hein. Ça a la même mélodie. Ça n'a rien à voir. Il y a une ressemblance. Mais ça prouve que vous n'avez pas l'oreille musicale. Ça n'a rien à voir avec Patrick Sébastien. Oh, c'est pareil. Mais pas du tout. Arrêtez, c'est pareil. Ça se rapproche beaucoup plus des musclés que de. Ah oui, c'est vrai, d'accord. C'est vrai que. Et la nuance, elle est. Minière. Salut les petits trous, c'est Jean-Pierre Seuze. Retrouvez-nous dans quelques minutes après d'autres magnifiques chansons interprétées par toute l'équipe. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec le top des LP pour trouver les meilleurs extraits et le top 10 des chansons chantées par la bande. A tout de suite. Je vais donc tester votre gourmandise musicale. On va jouer avec les desserts en chansons. Attention tous autour de la table, vous levez la main si vous me donnez le nom de l'artiste et le dessert chanté, d'accord ? On lève la main pour répondre, c'est parti, premier extrait. Campbell. Alors, Christophe Michalak, vous avez la réponse. Oui, c'est Adèle avec, j'ai pas le titre du truc, mais en tout cas il est Campbell. Exactement, faut donner le dessert, c'est Adèle avec, écoutez bien... Et voilà. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec son crumble. Voilà. Ça, c'est, tu regardes ce qu'il faut et tu manges un crumble. C'est ça. Je vais, avant de passer toutes les reprises voilà, dont je vous ai parlé, je vais vous chanter une chanson de vous. Ah oui. En aquavelva, c'est-à-dire sans musique. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Bah, c'est pour Rock. C'est la question qu'on se pose, oui. Essayez de trouver de quoi il s'agit. Et si, Rock, j'ai tort de lire dans tes pensées que rien de beau ne m'échappe. À part toi. Alors, je vous fais écouter des reprises. Vous me dites quels sont les morceaux originaux. Regardez, ça nous vient du Japon. Écoutez. Asai Yakamoto. Alors, que c'était Jean-Luc Lemoyne. Le lundi au soleil. Et bien sûr, le lundi au soleil. Et ça confirme aujourd'hui. Hein, on l'a pas aujourd'hui, le lundi au soleil. C'est pas mal en japonais, hein. Ah, c'est mieux. Ouais. Ah, vous préférez? Oh, ouais. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Non, mais l'orchestration est plus moderne, c'est pour ça. Moi, je préfère en japonais, mais chacun ses goûts. Mais c'est plus martial, tu es plus martial. Écoutez une version finlandaise d'un grand tube. Ah, c'est chouette, ça. Ah, ouais, ça, c'est énorme. Là aussi, c'est meilleur. Ah non. J'trouve une truc. Ouais. J'trouve une star. C'est fou d'entendre ça dans un le fjord du samedi soir. Ouais, c'est ça le. Eh, bravo, bonne vanne. Elle est bonne celle-là. Le fjord du samedi soir. Stay in alive. Eh oui, c'était Stay in alive. Skunnen first. En finlandais. Skunnen first. Bah, c'est bon, Jean-Pierre, c'est bon. Attention, on part en Corée. Ah, bah oui. Oh, super. Oh, c'est dingue. Ah, ça. En français et tout, hein. Bah ça, y a rien de mieux. Ah ouais. On a rien fait de mieux d'ailleurs. Hein. Début de soirée, ouais. Bien sûr, nuit de folie. Chante, ce refrain qui te plaît. Ah mais vous l'adorez vraiment cette chanson, ah, moi j'adore. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Toi qui décides au fond de ton ennui les notes d'une mélodie. Une musique sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard, tes idées noires. Quoi, vous connaissez non, mais pas les paroles sont ignobles de cette chanson. Bah alors, si vous n'aimez pas la chanson non, mais française, c'est vrai. N'en dégoûtez pas les écoutez, autres. Écoutez, ça prône la violence conjugale. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Allez, une petite dernière. Écoutez, on part en Thaïlande. Ah oui. Bon, le mec est un peu dépressif. Hein. Le mec qui chante là, il a eu des soucis avant. C'est rare. Rasputin. C'est quoi alors? Bonnet M. Bonnet M. Rasputin, bien sûr. Je préfère la version normale. Hein, ah ouais, moi, rien de mieux que Boney M pour danser. Il vous met l'angoisse, hein, l'autre, hein, celui qui chantait là, un moment. Hein. On va parler donc des tubes des années 90 qui vous ont marqué. Valérie, vous, c'est quoi le tube des années 90 qui vous a le plus marqué ? I am, je danse le Mia. Oh là là. Ah, j'en peux plus de cette chanson. Oh, j'adore. Danse le Mia. Oh là là, ah non. Jean-Luc. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui, pour moi, a marqué les années 90, mais c'est pas mon favori. C'était quand même, évidemment, Hermès Osband. Ah oui. Parce que ah ça ouais, rappelle mais non, mais plein c'est de insupportable, choses. On n'en peut plus. Ah ouais, ah mais ouais. D'un point de vue plus perso, sinon, c'était Nirvana. Smells like Teen Spirit. Vous, Roselyne. Bah, je voulais prendre I Will Always Love You de Whitney Houston et on m'a dit ça va complètement plomber l'ambiance. Hein. Pas du tout. Ça non. Plombe pas du tout. On a envie de vous embrasser, Roselyne. Ah, ah oui. Par contre, faudra arrêter l'eau de la baignoire là, par contre. Alors, on m'a dit, faut que tu prennes un truc qui s'appelle la tribu de Dana, dont j'avais jamais entendu non. parler. Ah bah oui. Ah, mais ça fait plaisir à Cyril, ça. Mano. Ouais. Oh là là, j'adore. Eh oui. Vous connaissez les paroles, Cyril ? Ah, bien moi, sûr. Je connaissais ça avec Alan Stivell, mais je pas avec ces gars-là, Manao. Là. Jacques, ces gars-là. Non. C'est... Ils ont tout pompé à Noël Leroy. C'était bon, ça. Rappelez. Vous pouvez nous faire un petit peu de rap dessus, là, Cyril ? Au bout de la du druide de magie. Non, vers l'ennemi. La lutte était terrible et je ne voyais que les ombres voilà. Qui pourquoi vous êtes toujours en surnombre. Il fait Sarko, il fait Sarko. Sarkozy Nanao. Délange des haches et des épées dans le jardin d'Éden. Qui écoulait du vent sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine. Quoi, c'était magnifique ça. Ah, j'ai un sentiment de gêne sur ma colonne vertébrale. Un frisson. Allez, vous Gilles, c'est quoi ? Moi c'est Blur, Girls and Boys. Oh, ah bah ouais, mais là. La pop anglaise quoi. Pas mal. Ah ouais. Très verdaise. Mmh. Oui, c'est ça. Alors, ah, qu'est-ce qu'il est wave ce verdaise. Tu l'imagines danser dessus. Ah bah oui, j'enflammais les dance floor en Angleterre là. Ouais. Ah, non, il enflammait les dance floor. C'est du grand n'importe quoi. Il enflammait les dance floor en Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre dans cette émission, Olivier de Kersauzon, s'il vous plaît une réaction. Tu peux pas réagir quand on donne des choses pareilles. Il ouvre la porte du merveilleux. J'enflammais les danse floors et tout. Je l'imagine avec un costume à carreaux jaunes, des pompes bicolores et tout ça. Un jabot vert en train d'enflammer les danse floors. Oh là là, j'enflammais les danse floors en Angleterre. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Je vous donne des paroles de chansons. Vous me dites si c'est du Patrick Sébastien ou pas. Ça commence comme à l'opéra et ça se termine à l'apéro. Patrick ou pas Patrick ? Ça commence comme à l'opéra. Patrick. Et ça Patrick, se termine Patrick, à l'apéro. Patrick, ouais. Patrick ou pas Patrick ? C'est Patrick, extrait, ouais. C'est chez Mozart. Ça commence comme à l'apéro et ça se termine à l'apéro. C'est génial ! Voilà. Alors attention, deuxième phrase, Patrick ou pas Patrick ? Elle aime le cul, elle aime le cul, elle aime le curé du village. Non, non, non, c'est pas lui. C'est caricatural, ouais. C'est pas lui, eh bien c'est lui, écoutez. Ah, c'est vrai ? Elle aime le cul, elle aime le cul, elle aime le curé du village, elle aime le cul, elle aime le cul. Alors, je vais vous dire, moi j'ai vécu un truc que je voudrais raconter aux auditeurs, c'est qu'un jour j'ai passé de nombreux moments avec Patrick Sébastien dans son bureau, et donc moi il me les fait écouter, et il me fait comme ça, attends, attention, attends, je vais t'en faire écouter une géniale sur un curé, vas-y écoute ça là, tiens, vas-y. Mets-nous la 4, vas-y pour Cyril, regarde. Elle aime le cul. Et voilà. Et vous faites quoi à ce moment-là ? Ah bah moi j'adore. Alors attention, troisième, qui a du caca kaki collé au cucu jusqu'au kiki ? Ah non, c'est bébé Charlie ça. C'est bébé Charlie, bravo. Bon, écoutez, on passe vite sur ça. Non, mais c'était, je crois, le chanteur le plus flippant que j'ai jamais vu. Parce que c'était un adulte qui était dans un berceau déguisé en bébé. Ouais. Je t'assure qu'on dirait un psychopathe. Ah, mais les paroles, en tout cas, sont très très bonnes. on est bientôt à Noël, hein, bien sûr. Noël approche. Qui écrit Mon beau tapin, roi des forêts, que j'aime ta fourrure ? Patrick Sébastien ou pas Patrick Sébastien ? Ah non, ça pourrait. Ça serait bien possible. Oui. J'y crois pas, moi. Et on écoute, c'est Patrick Sébastien. C'est vrai ? Mon beau tapin, roi des forêts. Que j'aime ta fourrure. Voilà. Au bois de Boulogne. Voilà. Au bois de Vincennes. Ah ouais, ah ouais, mais c'est du il vrai. A raison de s'insurger contre la télévision. Il y a des combats. Et enfin, une petite dernière. Est-ce que c'est du Patrick Sébastien ou pas ? et on fait tourner les quéquettes comme des petites girouettes. Ça fait du vent sur les roupettes, c'est chouette, et c'est bon pour la tête. Alors, est-ce que c'est Patrick Sébastien ou pas? Oh, ça pourrait aussi. Non. Mais non, il fait tourner les serviettes, pas les quéquettes. Eh bien, il y a une version censurée, et c'est bien du Patrick Sébastien. Non, mais c'est pas possible. Et on fait tourner les quéquettes comme des petites girouettes. Ça fait du vent sur les roupettes. C'est chouette, et c'est bon pour la tête. Eh oui, c'est extrait de Patrick Sébastien, le chanteur masqué. Je vous dis. Allez, c'est bien, il rend ses lettres de noblesse aux chansons paillardes. Et pour la fête, on s'en met une petite dernière comme ça. On y va faire. Voilà, ah, c'est heureux, Cyril, là. C'est heureux. Ça vous met en joie, Cyril. Eh oui, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Il y a eu d'autres plagiats célèbres. On commence par Robin Thicke, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, bien sûr. Alors, ça vous connaissez tous, hein, Robin Thicke. Et bien, ça doit vous dire quelque chose, et ça ressemble beaucoup à ça, à Marvin Gaye. Ouais. C'est flagrant quand même. Hein. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est la même chose. Alors, sachez que Robin Thicke et Pharrell Williams, eux viennent d'ailleurs d'être condamnés à verser 7,4 millions de dollars à la famille de Marvin Gaye. Alors, vous connaissez les Twin? Oui. Je me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est neuf. Ce sont nos derniers représentants à l'Eurovision. Leur titre s'appelait Moustache. J'aimais bien ce titre-là. C'est sympa. Et alors? Il y a du cuir dans ma voiture. L'odeur de mon parfum me rassure. Ça ressemble pas un petit peu à ça? Ah, direct. Bon, là, quand même, c'est moins flagrant. Ouais. Mais j'aime bien les Twin. Oui, non, mais... ah oui, ça non. Peut être un hommage, on va dire. On va dire ça. Est-ce que vous connaissez ça, Pedro Infante? Et ça c'est une vieille chanson. Oui. Mais elle vous fait pas un petit peu penser à ça? Ah, tiens. Ah ouais. J'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. On a mené l'enquête avec toute l'équipe rédactionnelle, des pieds dans le plat. Vous avez l'oreille musicale, c'est dingue. Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai l'oreille musicale. Vous allez entendre des choses, vous aussi. Alors, j'avais Gilles Verdez, Roselyne Bachelot et Valérie Benaïm qui vont s'affronter sur un des titres disponibles dans ce karaoké. J'ai choisi pour eux La Vie en Rose. On va démarrer avec Valérie Benaïm qui va aller au centre de la scène. Ah oui, vous pouvez aller la voir sur Europe1.fr. Ça va être un vrai karaoké. Hein, puisque, je vous le dis, en fait, il va y avoir les paroles qui vont s'afficher. Valérie Benaïm, vous allez nous chanter La Vie en Rose. Valérie Benaïm, bien sûr, c'est 15 ans de chansons et bien sûr 15 ans d'échecs. Il y a son papa avec le caméscope là-bas. Il me prend dans ses bras, voilà. Qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tu viens souvent ici, toi? Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Une part de bonheur. Je vais prendre un mojito. Excusez-moi, vous avez de la Vianetta. C'est lui pour moi. Est-ce que la serveuse peut nous servir au lieu de chanter? S'il vous plaît, on a une tourtelle à la 4, s'il vous plaît. Mais c'est bon, ça va. Ça va. Est-ce qu'on peut juste expliquer à Valérie Benaïm le principe du karaoké? Faut attendre que ça s'éclaire les... Oui, c'est ça. C'était pas mal. Un peu angoissant. Et là, si vous aimez l'angoisse, restez avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous avez aimé Rencontre du troisième type? Si vous êtes en voiture, garez-vous. Alors attention, maintenant, on change de chanson. Si je crie, vous faites comme ça. Regardez. Non, mais je ne veux pas que vous criez. Arrêtez de crier avec votre voix. Ok. Alors, les chéris, on va chanter avec Gilles Verdez. Non, je ne regrette rien. de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on a fait, ni le mal. Tout ça est bien égal. Non, rien de rien. Faut aller le voir. Non, je ne regrette rien. Gilles Verdez en tournée. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Allez, c'est bon, c'est bon, ça va, c'est bon. C'est bon. Merci, bravo, Gilles Verdez. J'ai jamais vu quelqu'un qui est autant à côté non, mais du c'est rythme. Pas jamais non, de mais ma c'est vie. Incroyable. Ah, j'avais rien vu de plus flippant depuis l'exorciste. C'est incroyable. Boudet est au bout du rouleau. Mais il a mis tout son cœur. Attends que ça s'éclaire. Personne n'a fait du karaoké dans l'équipe ou quoi. Attends que ça s'éclaire. Même dans sa tête, ça s'éclaire pas. Vous voulez qu'il attende. Alors, Roselyne Bachelot, vous allez vous mettre au centre de la piste. Vous allez nous refaire non rien de rien. Et écoutez bien, chers auditeurs d'Europe 1, là, vous allez voir qu'une voix. Une voix, c'est un don. Gilles Verdez, malheureusement, il est passé à côté. Mais Roselyne Bachelot, elle a ce don. Elle a une voix incroyable. Et c'est vrai qu'elle a de beaux organes. C'est parti. Rien de rien. Non. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Je vais te foutre en l'air. Non. Bah, moi je m'en vais, je me barre. C'est où la scène? Ouais, c'est ça. Non. Il y a des moustiques, ce suicide. Je ne regrette rien. On a trois suicides dans le public là. C'est payé. C'est payé, ouais. Bah, c'est balayé. Bah, remboursé. Oublié. Je me fous du passé. Bah, très bien. Oh là là, allez, c'est bon. Allez, merci. Dégueu, ah non mais là on était en dépression totale quoi. Non, rien de rien. Elle nous l'a faite à la Renault. Non. Je ne regrette rien. Ni le bien, qu'on m'a fait. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Mais j'ai donné ma vision. C'est vrai, c'est la vision d'une artiste. Non, mais c'est très difficile de faire une vision dépressive de Edith Piaf qui n'était pas joyeuse dès le départ. Non mais vous me ferez penser, alors ni les blagues, ni la chanson pour. Ah bah si, moi je veux bien faire une blague. Non, non, ne faites rien, ne faites rien. Le chant yodel, c'est ça. Alors déjà, est-ce que vous allez faire du yodel autour de la table? Valérie Benaïm, allez-y. Elle est habile, hein. Oui, c'est vrai. On lui a enfin trouvé d'utilité. Je yodel à mort. Non, mais allez-y, en fait. Non, parce que je crois qu'il y a vraiment un truc chez Benaïm. Benaïm, ils veulent pas lancer un The Voice yodel? Non, mais franchement. Non, mais franchement, c'est du yodel marocain. Ouais, c'est ça, oui, c'est bon. Je suis très très content d'être ici. C'est Enrico Massas qui fait du yodel. Non mais ça, merci Enrico. Je suis très très content que vous soyez dans cette émission. Ça me fait très plaisir aussi. Vous, Christophe Bourseillet. Yodelido. On n'a pas dit de faire le loup. J'ai du mal dans l'aigu. On n'a pas dit de faire le loup, on a dit de faire du yodel. Bah oui, mais je serais plus bougez dans les, la basse. Bah, bougez votre langue, vous êtes pas. Yodelidou. Remettez-lui. Est-ce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait? C'était votre contre, là. Yodelidou. Mais pourquoi vous dites yodelidou? Bah je ne dis pas yodelidou. Mais pas du tout. Ah bon? Je comprends pas les paroles. Pourtant, ça me paraît clair. Bah, bien sûr. Vous faites très très bien. Vous êtes suisse, non? Non, mais j'ai beaucoup de qualité. J'ai beaucoup de qualité des suisses. Ah bon, c'est quoi vos qualités suisses? Je mange beaucoup de barres au maltine. Mais... je suis toujours à l'heure. Jean-Luc Lemoyne, allez-y. Il est bien. C'est la soupe aux choux, là. C'est exactement... vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est vraiment alors, ça. Je vais vous dire, il nous en reste deux. Et je les attends avec impatience sur le yodel. Le yodel, bien sûr, c'est ça. Moi j'adore ça. C'est alors, festif, hein, merveilleux. Pour l'instant c'est Valérie Benaïm pour moi qui a fait le meilleur yodel. Attention, on va terminer avec nos deux favoris, Jean-Pierre Foucault et Gilles Verdez. Note This is the yodel. Alors, non, mais moi c'est un peu mon truc. Bah, c'est vrai que vous, alors, mais vous pouvez changer votre voix très très bien. Attention, Jean-Pierre Foucault, c'est à vous, top yodel. Jean-Pierre, ouais, bah ouais, c'est pas mal. Ah, j'en peux plus. Mais c'est non, mais étonnant. c'est fatigant. Mais vous avez vu comme il arrive c'est à changer. Il change d'un octave carrément. Non, mais là, c'est pas un octave. C'est le Maria Carré du yodel. Ouais, bah, bien sûr, Jean-Pierre, vous a pardonné parce que c'est Willy Rovelli qui était venu nous voir dans le studio d'Europe 1. Merci Willy. Merci Willy. On peut le dire, parce que Willy qui travaille à Yodel 30, vous avez besoin d'un yodel en moins de 30 minutes. C'est ça. Willy, voilà, si vous avez besoin qu'il vienne chanter du yodel, n'importe quand il vient. Jean-Pierre Foucault, on vous écoute. Allez-y. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Alors, veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. On va laisser Gilles Verdez et vous finirez. Ah, bah, ça y est, Il a pas. Voilà, c'est terminé. C'était la cage aux folles. Ouais, ça n'a rien à voir. On n'a pas bien entendu, Jean-Pierre. Vous pouvez prendre sur la musique, hein, Jean-Pierre. Mais il le fait super bien. C'est Pierre Belmar qui m'a appris, alors je peux vous dire que Jean-Pierre, il a une voix exceptionnelle. Oui. Ah, mais vous... en tout cas, il est juste. Ouais. Moi, je l'ai entendu chanter. Non, mais franchement, vous chantez très très bien Mexico. On devient fou sous le soleil de Monaco, non de Mexico. Ah, c'était pas lui que j'avais entendu en fait. Non, mais je fais exprès de mal chanter, de mal yodéliser pour que Gilles Verdez. Non, mais Gilles Verdez, on le sait, c'est la voix de cette émission, c'est vraiment The Voice, hein. Je peux vous imaginer si Gilles Verdez, un jour, il fait The Voice. Les fauteuils, c'est pas, ils se retournent pas. Ça veut dire, les mecs, ils veulent. Non, mais c'est pas ça. Ils veulent un siège éjectable. C'est-à-dire, tu vois Garou qui saute comme ça. Vous imaginez, le lundi, on se lève. Je pense que les mecs se lèvent et ils partent tout droit. Non, mais c'est sûr. Ils regardent personne. Non, mais imagine, les gars se lèvent, ils s'en vont complètement. Les sièges, ils partent avec. On devrait lui faire The Voice juste pour la vanne. À Gilles Verdez, sans rigoler. Il arrive, il chante du Margot, il chante du Johnny par exemple. Quand tes cheveux s'étalent, comme un soleil d'été. Non, mais ça serait énormissime. Alors, faites-nous un petit peu du yodel, allez-y. C'est pas parti. Oh, ça très mal parlé. Non, attendez. Parce que là. C'est un bon parapluie d'abord, si vous voulez. Là, il va. Là, parce que là, je le connais, il va cracher. Là, c'est sûr. Là, Jean-Pierre Foucault, il va en prendre plein la gueule pour ça. C'est pas Verdez, c'est la main. Ah, mais ça, parce que si vous nous rejoignez sur Europe 1, sachez qu'il postillonne beaucoup, Gilles Verdez. Mais c'est pas des postillons, c'est des postillons de compétition. Ouais, c'est hein. Ça. La dernière fois, je croyais qu'il avait une boule de bowling dans la bouche, là. Bah, il a postillonné, il a brisé la pare-brise. Ah non, mais lui, c'est lui qui fait tout le chiffre de carnasse. Tous les impacts sur les bagnoles, c'est lui. C'est lui. Alors, Gilles Verdez, déjà, faites-le écouter, chant qu'il va faire n'importe quoi. Je sens pas du tout. C'est un malade mental. Et ils ont du boulot. Je l'ai déjà entendu chanter. Quoi? Dans Faites entrer l'accusé. Donc, je vous l'ai dit, la vraie info, c'est donc que, selon une liste rendue publique hier, cet art pourrait rentrer prochainement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour tenter de convaincre l'UNESCO, nous avons au téléphone Magali, hein, qui est chanteuse de yodel professionnelle. Elle habite au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Vous connaissez le Grand Bornand? C'est juste à côté du petit Borouy. Bonjour Magali. Magali, vous êtes donc au Grand Bornand. Merci d'être avec nous Magali. Vous êtes championne de yodel, hein. Chanteuse de tyrolienne, on va dire. C'est ça. Pouvez-vous nous faire une petite démo pour montrer aux gens ce que c'est vraiment que le yodel, parce que là, on a entendu des choses, c'était ni fait ni à faire. Hein. On dirait la sonnerie de mon portable, j'adore. J'ai envie de vous mettre... Eh, Magali, je vous jure, j'ai envie de vous mettre en sonnerie de portable. On a super envie, ouais. Mais je vous jure que c'est vrai, vous avez ou pas... Oh non, c'est ma mère, je réponds tout à l'heure. Ah là, c'est mon oncle, c'est Charlie, mon oncle Charlie. Alors Magali, en tout cas, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous chantez le yodel depuis combien de temps? Oh, ça va faire dizaine d'années. Une dizaine d'années, d'accord. Alors, il y a des écoles pour ça. Comment on apprend le yodel? Ou est-ce que c'est juste une transmission en famille? Il y en a certainement, mais moi en fait, j'ai pas appris. C'est venu comme ça. Des chansons de yodel et c'est venu. Par mimétisme. Je veux dire, quand le yodel vous tombe dessus, difficile de lui dire non, quoi. Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais c'est important ce qu'elle vient de dire. Elle a dit, j'ai appris des chansons de yodel parce que nous, de néophytes, on a l'impression que. Ça se ressemble tous. Oui, et puis qu'il n'y a pas vraiment de paroles. Il y a des paroles dans le yodel ou pas? En fait, c'est des syllabes. Ah, d'accord. Donc, en fait, voilà, c'est des syllabes. Et en fait, si je reprends une chanson de yodel, je vais retomber sur les mêmes syllabes. Ça sera pas n'importe quelle syllabe, en fait. Pouvez nous faire un croquis, nous l'envoyer à Europe 1. Merci. Pas de problème. Mais sont des syllabes qui n'ont pas de sens, on est d'accord? Je sais pas. Le fait que j'ai pas appris, j'ai pas cherché à comprendre. Ah oui, c'est ça. D'accord. Alors, Magali, tous les auditeurs, bien sûr, vont jouer avec nous aussi. Si vous nous écoutez dans votre voiture, ou bien chez vous, vous montez le son, puisqu'on va essayer de faire un blind test, mais en yodel. C'est-à-dire qu'elle va chanter des chansons très connues. Vous allez essayer de trouver de quoi il s'agit. Dès que vous avez la bonne réponse, vous levez la main. Attention, Magali, est-ce que vous êtes prête, Magali? Je suis prête. Allez, on y va, c'est parti. Première chanson. Alors, c'est Jean-Luc Lemoine. Ça me paraît juste et j'ai envie de dire, je te donne. Oui, je te donne. Bravo, bravo. Tous ces défauts qui sont autant de chance. Ce serait magnifique que Jean-Jacques Goldman il chante que comme ça maintenant. Vous imaginez le concert de Jean-Jacques Goldman, il fait que ça. Allez, maintenant, après je te donne, je vais vous chanter bien sûr. J'irai au bout de mes rêves. Youlididoudidoudi. Youlididoudidoudi. J'imaginais en concert avec que ça. Je marche seul. Lidoudoudidoudi. Lidoudoudidouda. Allez, on passe à la deuxième, Magali. C'est parti. La deuxième, ça aurait pas été évident. Oui, c'est vrai. Elle est m'appliquer un peu. Mais on vous fait confiance, Magali. Ah oui. Sur ma route. Sur ma route. Bravo, Magali. On dirait un personnage de CAD. C'est quoi? Jean-Pierre Yodel. Il chante toutes les chansons, mais en yodel. Inclus, bien sûr, mon vieux Daniel Guichard. Bidoudi, doudidi, doudi. Didi douda, didi douda. Didi doudi, doudi douda. Doudou. On s'en fait une autre, Magali, c'est parti. Yo, yolodi, yori, yolodi. Olodi, oladi, oulidi, yo, yolodi. Olodi, olodi, Alors, Gilles Verdez, vous avez été le plus rapide. Connemara, Michel Sardou. Ouais, bah, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Connemara. Du Connemara. Excusez-moi, il est arrivé Christophe Bourseiller. Non, c'est pas ça, c'est que je reconnais aucune chanson. Alors j'essaie vraiment, je fais des gestes comme ça, un petit peu avortés. Mais non, allez, on en fait une petite dernière. Ouais, alors elle va pas être évidente. Ouais, mais vous avez tout réussi avec brio jusqu'à présent. Bravo, Magali. Oui. Pour une fois, j'ai trouvé. C'est Stromae. N'importe quoi. Papa, t'es où? Si, c'est ça, c'est vrai, c'est bon, c'est bon. Bravo. Papa, t'es où? Papa, où t'es? Papa, où t'es? Bravo, Christophe. Merci. Où t'es, papa? C'est la version tunisienne, non? La version tune. Il y a eu toutes les versions de Stromae dans celle-là. Où t'es, papa? Non, c'est pas possible, il m'a rendu fou. J'ai cherché toute la journée. Le mec qui devient fou, cache-cache géant. Allez, Magali, vous avez été exceptionnelle. Bravo, Magali. Bravo. Magali, vous êtes un amour. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Dans les pieds, dans le plat. Merci beaucoup, Magali. Merci. Vous voulez que je vous en refaire une dernière, moi, en yodel, d'accord? Attention. Yodel didou didou di, yodel didou didou da, yodel didou didou di. Get lucky. Merci. C'est déjà du yodel. Allez, on joue tout de suite au Cara Yodel avec tout le monde. On va avoir une jeune fille qui s'appelle Magali qui interprète du yodel. Elle va vous interpréter des titres en yodel et vous jouez tous avec nous, bien sûr, autour de la table. Est-ce qu'on a Magali en ligne ou pas du tout, mes chéris? Vincent me dit oui. Bonjour Magali. Bonsoir. Magali, on a déjà fait quelque chose ensemble? Oui, exactement. Oui, on a déjà chanté du yodel ensemble. On adore le yodel. Voilà. Ça a des liens, ça. C'est le yodel tunisien, ça. C'est pas pareil. C'est plus séparate qu'on s'est dit. Je sens qu'on va faire deux jeux en un. C'est-à-dire que Magali, elle va vous faire des titres en yodel. Et moi, derrière, je vous ferai aussi des titres. Une cover. La version tunisienne. Exactement. Du tunidol. La face B. Exactement. Par exemple, demandez-moi une chanson, je vais vous la faire en tunisien. Allez-y. Sur la route de Memphis, tiens. Je vais vous la faire sur la route de Memphis. Oui. En tunisien, ça fait sur la tête de mon fils. Non, ça fait... sur la route de Tunis. Ouais, exactement. Vous imaginez le mec qui flingue toutes les chansons. Ouais. Ça veut dire, en fait, c'est toutes les chansons reprises avec un accent tunisien. Enrico Michel. Non, mais ça, mais tout. Enrico Hallyday. Petit, c'est. Oh Marie, si tu savais. Le mec qui flingue. On a tous quelque chose en nous de Tunisie. Toutes les chansons, le gars. Magali, merci d'être avec nous. Alors, vous chantez beaucoup mieux que moi et vous faites donc ce qu'on appelle du yodel. Oui. Alors, vous allez nous interpréter des titres très connus en yodel. Le premier qui a la bonne réponse lève la main, bien sûr. Hein, c'est une spécialité suisse, hein, le yodel. Oui, c'est... tout à fait. Donc voilà, oui, merci, tout à fait. Sérieuse, la Magali, juste, Magali, c'est pas un ni oui ni non. Hein. D'accord. Je vous le dis, c'est des mots qu'on emploie que dans le ni oui ni non, ça. Tout à fait. C'est possible. Peut-être. Magali, on y... vous parlez sérieusement, Magali, mais dans 30 secondes, vous allez perdre toute dignité quand même. Oui, c'est vrai. Allez, on y va. Premier titre. Alors, premier titre. Ça me donne envie de manger du chocolat. C'est tout Magali. C'est tout Magali. Vous en voulez un peu plus? Bah oui, quand il faut. Loudoulidio, c'est la lambada. C'est bien sûr la lambada, Caro. Magnifique. Alors, moi je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, on est en direct sur un repas. Il y a une lambada qui part. Et je vous le dis, aujourd'hui, vous m'empêcherez pas de m'abaisser. J'en ai un saut. C'est parti. Yo lady, yo lo lo yo, uri yo lady, yo lo lo lo, uti rudi, yo lo lady, yo uri yo lady, yo uri tri, yo lady, yo lo yo, uri yo lady, yo lede, yo la duri, yo lady, yo uti, ludi ya la la yo, uri ludi ya la uti, ludi ya la la yo, uti ludi ya la uti, ludi ho uri di, yo lady, yo lady, yo lady, yo lady, yo lady, yo lady. Lodi yoli do di do, lodi yolo yudi, lo yudi do di di yo. Alors, Jérôme Commandeur encore. Nuit de folie, début de soirée. Vous avez dit nuit de folie, début de soirée. Exactement. Eh bien, début de soirée, nuit de folie. Bonne réponse encore. Bravo. Et tu tapes. Oh ben, Magali, c'est impressionnant. C'est me quittant. Elle est, on n'a pas reconnu tout à fait voilà, au début, Magali. Au début, c'était un peu quand même. Voilà, vous sauriez le faire, vous, Cyril? En yodel, comme ça? Alors, ben, parce que vous avez fait le couplet, hein, Magali aussi. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, le couplet qui fait donc. Comment vous feriez le break, là? Et tu chantes, danses au bout de la nuit en yodel? Doudouli, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi, youdi. Ah, mais vous tenez pas mal, hein. Ah ouais, vous le tenez, hein. Oh non, arrêtez avec cette tête. Attention, troisième titre, c'est à vous, Magali. Elle se concentre. Vous le faites en fa dièse, celui-là. Non, mais je suis restée sur l'ancienne chanson. Ah, d'accord. Bon. Vous voulez donc refaire celle que vous venez de faire, Magali? Vous voulez prendre une douche? Magali, faites celle que vous voulez. Faites celle que vous voulez. Alors, je reviendrai après parce que. D'accord. Vous voulez qu'on vous rappelle dans deux heures? Magali, vous me dites tout à moi. Hein, vous n'hésitez pas. Faites celle d'après. Je vais faire celle d'après. Ah, d'accord. Ah. J'ai compris le message. Yo lady, yo lady, yo lo uditi. Yo lady, yo lo lady, yo ludi. Yo lady, yo lady, yo ludi. Ah bah oui. Yo ludi, yo ludi, yo lady, yo. Yo ludi, yo ludi. Yo lady, yo lady, yo ludi. C'est ça. Alors, moi je. Yo, Ludi. Alors, je vais dire Poker Face de Lady Jaja. Oui, Lady Jaja. Poker Face. Ah ouais. Yo, Ludi. Yo, Ludi. Magali, est-ce que vous allez chez les particuliers pour faire réveil matin? Oui. Comment? Non, rien. Allez, on en fait une dernière, Magali, la petite dernière, allez. Une dernière. Alors la dernière, faites la dernière, elle est pas mal. Ah ouais, le bouquet final. Ah oui. On le aime. Bonus? Non, pas le bonus, la normale. Le rappel. Le rappel. Ah oui. C'est bon. Ah, j'adore. Ça frôle le vietnamien. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça donne envie de courir dans la prairie. C'est quoi, Patrick Bosso? Nous, on est chez nous, nanana. Alors, là, c'est Marseillais. C'est Marine Le Pen. Les rois du monde. Ah oui, les rois du monde. Les rois du monde, bien sûr. Et ils se protègent de tout même de l'amour. Les rois du monde. Magali, merci d'avoir été avec nous. Bravo. Je vous embrasse fort, Magali. Merci beaucoup, merci. Et on fait aussi du slam hein, en oui. français. C'est textes voilà, qu'on clame. Le slammeur le plus connu en France, c'est bien sûr. Encore malade. Et souvenez-vous, il passe sa vie dans les trains, lui. Hein. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, alors, à connaître ce qu'est l'amour. Et se alors, j'ai demandé à ceux qui le voulaient de préparer un slam autour de la table. Qui a préparé un slam? Jean-Pierre Foucault, Géraldine Maillet, Jean-Luc Lemoyne, Marc Menant, Valérie Benaïm. Et il y aura un point. Voilà pour celui qui fera le meilleur slam. On désignera le meilleur slam avec Olivier de Kersauzon. Voilà, on désignera tous les deux parce qu'on fait. Ça va chier d'ailleurs. Oui, exactement. Je pense que Jean-Luc Lemoyne est en tête. Je rappelle le thème. Le thème de ces slams, c'est la vie quotidienne. Valérie Benaïm, on vous écoute. Achetez-moi. C'est parti. Je voudrais faire un slam pour les coiffeurs de Paname. Chignon, bigoudi, balayage pour sublimer ces dames. Je crois que sans mes cheveux, je serai comme Victoria sans Beckham. Jean-Louis David, Fabio Salsa, Franck Provost. Pour vous, je suis prête à devenir polygame. Wow. Olivier, une note de 1 à 5, je mettrai la mienne après. 2,5. Je mets 1. Oh là là. On a décidé d'être dégueulasse. Ah ouais, il n'y a pas pire. Donc ce qui nous fait 3,5 voilà. sur 10 pour Valérie Benaïm. Attention, Jean-Pierre Foucault. Pour certains, c'est Foucault, pour certaines, c'est Jean-Pierre. On me surnomme Rocco quand je vais droit au but sur la Canebière. Ici, il y a des cigales, des cagoles, mais pas de cagoules. Et je te donne ma parole, si tu sors le pastis, c'est moi qui sors les boules. C'est C'est un slammer un peu dépressif. Ouais. Olivier, la note sur 20 pour Jean-Pierre Foucault. Oh, je vais mettre un 8. Je mets 5, donc ce qui fait 13 sur 20 pour Jean-Pierre Foucault. Mais voilà. Note. Géraldine Maillet. Oh, elle a déjà deux. Je m'appelle Maillet comme un piolet, mais pour monter les tentes. Avec moi, pas de blabla. Alors sors tes billets ou bien reste en attente. Chez moi, c'est le terminus, si t'es russe ou bien crésus. Par contre, je préfère prendre le bus si tu me ramènes en Ford Focus. Olivier, sur 10. Eh ben, je suis très mal à l'aise. Mais moi aussi, je propose, Olivier, qu'on ne communique pas la note. Je propose qu'on fasse juste la note par signe. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Apparemment. Que le ton, non. On lui donne un point pour le ton, mais c'est le texte qui est naze, quoi. Moi, je donne même pas le point pour le ton. Moi, je mets 0. Et vous? Je mets 1. Mais très bien. Donc, ce qui fait 1 sur 20 pour Géraldine Maillet. Non, c'est sur 40, sa notation. Ouais. Attention. Alors. Il voulait vraiment pas que je vois, parce que j'ai vu les textes des autres avant, ils me les ont un petit peu montrés. J'ai rien dit, j'avais pas fait de commentaire. Lui, il a vraiment voulu garder le secret. Oh là là. C'est Marc Menon. Il m'a dit non, vraiment, j'ai un texte incroyable que j'ai écrit. Pression. Marc Menon, on vous écoute. Je vais quand même mettre un point à Géraldine Maillet parce que j'ai peur de mettre 0 à Marc Menon. Donc ça fait 2 points. Un point et demi même, tiens, allez, soyons. On monte à 2,5 pour Maillet. Voilà, on monte à 2,5. Allez-y, Marc Menon, c'est parti. Laisse-moi te narrer les gourmands de soirée aux polissons embardés. D'abord sa bécote, tripote, léchote, téton, condard, les fruits du grand art. Sabre les queues des reins sous la volte des reins des femmes tout nec atteint par le rut de leur coquin. Culte du divin, l'instant libertin. Honnêtement, je préfère Liberté de Mylène Farmer. Olivier. Vas-y, parle d'abord. Non, elle m'a déprimé. Ouais, hein. M'a déprimé sa poésie, son slam m'a déprimé. Ouais, elle sent la pisse. En fait. Ouais, c'est vrai. Oh c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec vous, Olivier. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, mais enfin, c'est mieux que d'autres quand même. Oh, c'est mieux que d'autres, c'est mieux que d'autres. Moi, je mets 2. Quoi, il a plus que moi? 2 sur 10. Oui, il a plus que vous. Ah, non, oui. Mais vous plaisantez. Ah, si, il a plus que vous. Ouais, parce que moi, je mets plus. Ouais, vous mettez combien? 3. Ah, 3 quand même. Ouais, on a décidé. Ouais, ouais. Bon, bah, ça fait 5 sur 20 pour Marc Menon. On rappelle les scores, s'il vous plaît. Il y a 3,5 sur 20 pour Valérie Benaïm. 2,5 sur 20 pour Géraldine Maillet, 5 sur 20 pour Marc Menon et 13 sur 20 pour Jean-Pierre Foucault qui est en tête. Mais il reste Jean-Luc Lemoyne. Ah oui, et voilà. On va écouter le 18 sur 20. Excusez-moi, qui note sur cette épreuve? Olivier de Kersauzon et votre serviteur. Ok, d'accord, c'est bon. On y va, Jean-Luc. J'ai demandé à la vie de me donner la force, elle m'a donné des épreuves à traverser. J'ai demandé à la vie de me donner la sagesse, elle m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé à la vie de me donner du courage, elle m'a donné des défis à relever. J'ai demandé à la vie de me donner un magnifique horizon. Comme elle a bon goût, elle m'a placé en face de Kersauzon. J'ai demandé à la vie de me donner l'amour. Elle m'a mis sur le chemin de Cyril pour que je l'emprunte chaque jour. Oh là là! Oh la lèche! Oh mais la lèche! C'est abject! C'est une honte! Je suis envie de vomir. Oh là là. Alors, ça. Olivier, vous connaissez ma note? Oui. Toi, t'as mis 9. J'ai mis 10. 9, et 9 est une note sur 5. Olivier, vous mettez combien? Dites la vérité. Toi, t'as mis 9? Non, moi, je mets 8. Je mets 4. Eh bien, ça fait 12 sur 20 pour Jean-Luc Lemoyne. C'est Jean-Pierre Foucault qui gagne le point du slam. Dans un instant. On mettra le pied dans le gospel, puisqu'on va recevoir une partie de la troupe de gospel sur la colline. Et on s'est dit, on voulait faire un karaoké au départ, et comme on avait un groupe de gospel, on s'est dit, on va faire un karaospel. Vous avez compris ou pas? Donc c'est très simple, on va jouer tous ensemble. La troupe va interpréter des tubes façon gospel. Vous allez devoir trouver le nom de l'artiste qui chante et le titre. D'accord. Vous attendrez bien sûr la fin de la chanson pour répondre. Vous levez la main et je donnerai la parole à celui qui a été le plus rapide à lever le bras. D'accord. Jean-Luc. C'est pas possible. Mais c'est gerbant, voilà. Alors, attention, premier titre, c'est parti. Put your mouth on in the air, put your mouth on in the air. Put your mouth on in the air, put your mouth on in the air. Put your mouth on in the air, put your mouth on in the air. Put your mouth on in the air, put your mouth on in the air. Menton à gauche, menton à droite, menton en bas, C'est mieux que l'original. Personnellement, je ne trouve pas. Va pas tarder à me faire chier ça. Alors, Valérie Benaïm, vous avez été la plus rapide. C'est ce qu'on m'a dit en régie. Je suis désolé, Jean-Luc. J'aurais préféré que ce soit vous. Merci la régie d'avoir été de mon côté. Je dirais Cyril Hanouna, Bogdanov. C'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Ah si, l'interprète c'est Cyril Hanouna et c'est Bogdanov. Non, la bonne réponse c'est Jean-Luc qui l'a. Ouais. Jean-Luc. Moi je dirais Cyril Hanouna featuring les frères Bogdanov. Oh non, mais Bogdanov. Voilà. Voilà. Non mais alors, je dis franchement Valérie, parce que il faut être précise. Non, et parce que Cyril est trop modeste pour prendre toute la gloire pour lui. Merci, il a voulu Jean-Luc. Partager avec voilà, les frères Bogdanov. Voilà, voilà, bah c'est quand je peux donner un peu de menton. Voilà, enfin de menton. Alors, attention, deuxième titre. Je vous rappelle, les points là comptent également pour le classement général. Hein. Je vous le dis, c'est parti, deuxième titre. Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée. Depuis toi desséché, tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris pour collier. Et mon cou tu l'as tordu. Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Gospel sur la colline, ils nous ont préparé ça en plus exclusivement pour les pieds dans le plat pour Europe 1. Je voudrais vraiment les remercier chaleureusement. Bravo. Bravo. Ils ont fait un super boulot. Il y a encore deux titres hein, qu'ils vont faire et vont nous faire leur titre original juste après. Donc restez bien avec nous sur Europe 1. Valérie Benaïm, vous avez été la plus rapide comme souvent en boîte de nuit. Ça fait marrer ça. Et je dirais donc Vianney et le titre Pas là. Bravo Valérie. Et quand même pas mal de mois qui la cherchent. Hein. Je lancerai une alerte enlèvement. Moi, voilà. Donc je dis la vérité. Je trouve que voilà la personne commence à nous inquiéter. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ils ont encore préparé deux titres en karaospel, gospel sur la colline. Mais j'aimerais que tu nous interprètes d'abord leur titre, gospel sur la colline, et juste après, on reprendra le karaospel. J'aime bien parce qu'il y a Géraldine Maillet qui est complètement d'accord avec moi sur le conducteur de l'émission. Et c'est vrai que ça me rassure. Elle sinon, valide le truc. Elle aurait pu tout bouleverser. Mais c'est ça. C'est-à-dire, elle a validé. Je lui dis, on va faire d'abord le titre et ensuite on fera deux titres. Elle fait, oui, effectivement. Mais je pense que c'est un clin d'œil, une colère, on est foutu. Ah, mais c'est ça. On est très très mal. Gospel sur la colline, c'est la comédie musicale gospel jazz de la rentrée 2015. Il y aura 38 représentations exceptionnelles au Folies Bergère. 44 artistes sur scène, dont 9 musiciens en live. Ils n'ont pas pu venir tous aujourd'hui. Ils vont nous faire un extrait de Gospel sur la colline. C'est parti, c'est tout de suite sur Europe. Le Seigneur venait nous parler. Il montait là-haut sur la colline, se retirait sur le mont des Oliviers pour retrouver la paix divine. C'est pour ça qu'en haut d'une colline j'ai bâti mon église. Et la lumière divine est par la terre promise. Pour être plus près, we'll ça comme d'une colline, j'ai bâti mon église. Approchez la lumière divine et pas la terre promise. Vous sentez le gospel, yeah. Sur la colline, la lumière divine. Sur la colline, la lumière divine. Sur la colline, Gospel, ouais. Gospel sur la colline. Mise en scène par Jean-Luc Moreau. Merci à eux. Ils sont excellents. Comédie musicale gospel jazz de la rentrée 2015. Je vous l'ai dit, ce sera aux Folies Bergères à partir du 4 septembre. Et ensuite, j'espère qu'ils seront tournés dans toute la France parce que c'est un spectacle exceptionnel. Et j'espère qu'ils reviendront nous voir d'ailleurs à la rentrée. Alors, merci déjà pour ce titre et merci d'avoir préparé pour nous des titres spéciaux. Puisqu'on joue au Karaospel, ils ont repris en gospel plein de chansons qu'on aime ici, hein, voilà, dans l'équipe. Alors, on a eu Vianney il y a un instant, il y a eu Bogdanov. Et là, ils ont repris un troisième titre. Attention, on joue tous ensemble. Vous attendez bien la fin du titre pour donner la réponse. Vous levez la main dès que vous avez la bonne réponse. Valérie Bénin, pour l'instant, est très très forte à ce jeu. C'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que les grands standards de la chanson française. Hein. Non, ce qu'il y a de bien aussi, c'est quand même, on fait le seul blind test où le on groupe dit le titre. Donne la réponse à la fin. Ça veut dire tout à l'heure, ils vont faire les lacs du Connemara. Michel Sardou. Ils terminent en fait comme ça, en donnant le titre. Johnny Hallyday. Ah, merci. Valérie Benaïm, est-ce que vous avez la bonne réponse? Oui, c'est il s'agit de Motus. Oui, mais l'interprète. Et ben l'interprète, c'est le gospel sur la colline. Ouais, d'accord. Je vois qu'elle se croit plus maligne que les autres. Point pour Valérie Benaïm. Est-ce qu'on peut en faire un petit dernier? Vraiment, très important. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui bat sous ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui bat sous ma peau. Gitano. Ça sent le goût, hein. Oh là là. Ça aussi, c'est une musique originale, hein. Alors, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Vous avez fait un travail exceptionnel. J'ai adoré cette version. Bien sûr, je préfère l'original. Pour les raisons que vous connaissez. Mais vraiment, jamais Kenji, j'ai donné la réponse, n'aura été aussi bien représenté. Il y a juste quelque chose que je n'ai pas compris. Oui, c'est ça. C'est que vous vous êtes freiné tout à l'heure en faisant et après vous avez gueulé Ritano. Mais parce qu'est-ce que vous vouliez cacher exactement? Parce que le titre, c'est pas Ritano. Ah oui. Ouais. Je sais que c'est pas le titre. Alors, Jean-Luc, c'est vous qui avez été le plus rapide. Eh bien, évidemment. Eh bien, le titre, c'est Kenji et ouais. Color Ritano. Bravo Jean-Luc. Je me pose des questions et je suis sûr que vous aussi sur Europe 1. Gospel sur la colline, c'est mis en scène par Jean-Luc Moreau. Et le spectacle a l'air tellement exceptionnel que je me demande s'il faudrait pas rajouter Kenji dedans. Qui passe comme ça. Juste Kenji sur la colline. Non mais il passe. À un moment il y a Kenji sur la colline. Il est comme ça, il est en Andalouse. Il est tranquille. Il est bien dans sa peau, il est bien dans sa tête. C'est la journée de la chorale aujourd'hui. Nous sommes le 8 décembre, journée mondiale de la chorale. Et comme dans l'équipe, on adore le karaoké et on adore la chorale, on a décidé de lancer un jeu intitulé le karaoke-chorale. Alors, qu'est-ce que le karaoke-chorale? C'est très simple. On a déjà le plaisir d'accueillir la New Gospel Family qui est avec nous. Ils sont très beaux. Ah ouais, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Et surtout, ils sont très très bien. Voilà, c'est la New Gospel Family. C'est un gospel en plus qui sera à l'Olympia les 17 et 18 octobre 2015 à l'Olympia. Vous vous rendez compte, la New Gospel Family, ils ont un costume formidable. Ils ont des écharpes du modem autour d'eux, des écharpes magnifiques de part et d'autre, bien sûr, de leur corps. Et ça leur va très très bien. Merci d'être là. Ils vont reprendre en chœur des tubes gospel en remplaçant les paroles par des chansons françaises très connues. Ah. À vous de retrouver l'original. Vous les laissez bien chanter jusqu'à la fin parce que ça va être un beau spectacle. Mmh. Et vous levez la main lorsque vous avez la réponse. Est-ce que vous êtes prêts, la New Gospel Family? Yes. Yes, on y va, voici le premier titre. Mais d'où il vient? Enfin je saurai. Maman m'a dit, quand on finit par trouver, travailler c'est bien, on sait bien mieux, le fait accompagné. Bravo la New Gospel Family. Je vais juste vous donner et pour tous les animateurs bien sûr qui vont recevoir la New Gospel Family, on les adore, mais n'oubliez pas de les arrêter, sinon ils peuvent chanter des heures et des heures. Voilà, bon, on les adore. Alors vous, Jean-Marie Bigard, vous avez trouvé? Moi j'adore ça. C'était qui ça? Et ça fait vibrer, tu vois, Papa Outé. Oui, ouais, là, merci. Troma et Papa Outé, bravo. Très on génial. en fait un deuxième, hein. On en fait un deuxième, on adore. Allez, c'est parti. C'est fort. J'ai redécouvert le texte. Vous avez vu? Vous avez été plus dur avec « Ah, fous-moi tapine dans le cul », qui est la célèbre chanson paillarde. Il y en a une sûrement. Ça passera aussi. Non, mais ils peuvent tout chanter. Il reste classe, hein, la New Gospel Family. Ah non, ça devient très religieux même. Vous avez vu la merguez partie? Avec la merguez. J'ai cru qu'ils allaient sortir. Mais il fallait qu'ils rajoutent des petits « Alléluia » à la fin. C'est la merguez partie. Alléluia. Non, mais c'est sûr. Mais c'est très très fort. C'était la merguez partie. Qui chantait ça? C'était les musclés. Les musclés. Bravo. Allez, on en fait une petite dernière. Et celle-ci, je me suis fait un petit plaisir. Sachez-le. Écoutez. On fait tourner les serviettes comme des petites girouettes, ça nous fait du Est-ce que vous pouvez nous jouer un dernier petit truc, un petit chant de Noël peut-être, que vous allez faire d'ailleurs, je crois, à l'Olympia. Est-ce que vous pouvez nous le faire, la New Gospel Family? Allez, c'est parti. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. Merci à la jouer au Serge Lamix. C'est très simple. On a mixé une chanson de Serge Lama avec donc la musique d'une autre chanson. D'accord. À vous de trouver les deux, d'accord, ici. Je vais le faire en live. Donc voilà. Donc Avec sans filet. Bah, je vous le dis sans filet. Hein, ça va être chaud. Je me lève. Hein, et je ne bouscule personne. Hein. Attention, c'est parti. Le Serge Lamix, envoyez la musique, les gars. Bon, déjà, la musique, on l'a. Bon, arrêtez avec la musique, les gars. Il faut laisser travailler l'artiste là. Oh merde. Là les gars, il y a un artiste, on le respecte. Hein, on y va. Il danse en plus. Je ne rêve plus, je ne fume plus. J'ai passé de retour. Non. J'ai passé de retour. Non, pas on s'en fout, on avait trouvé. Bon, bah alors c'était quoi? Je suis malade, Alexandrie Alexandra. C'est gagné. Ouais. Voilà. Merci. Non, c'est pas Alexandrie Alexandra. Ah c'est quoi? Manila Forever. Il faut refaire. Ah, merde. Mettez-moi la musique, les gars. Je reviens du Massachusetts là. Oh. Merde. Quand même un monde. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Oui, je suis sale sans toi. Qui c'est qui chantait là? Verdes. Non, mais arrêtez, il y a Verdes qui chante. Pas la chanson, pas vous. Non, excusez-moi. C'était qui a trouvé? Eh ben, Manuela Forever. Qui a dit Manuela Forever? C'est moi. C'est vous qui avez dit ça? Ah, bah oui, je. Mais non, c'était pas ça. Mais si, c'est ça. Si, c'est ça, bien sûr, bien joué, bravo. Et tu remarques. Vous remarquez que ça marche pareil, hein. Bah oui. Le texte marche pareil sur les. Ça pourrait. Ouais, ou pas. Bah ouais, bah bref, moi j'ai pas pu le faire parce que bon, bien sûr, y a quelqu'un qui est venu m'emmerder pendant la chanson. Mais sinon, c'était assez sympa. Merci. Je croyais que c'était pourri comme jeu et en fait, j'adore. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il est super ce jeu. Et ben, allez-y, un deuxième. On va le refaire. Pas aujourd'hui. Non. Je vais partir, les gars. Allez, pour la route. Serge, vous voulez me le faire? Allez, ça va être autre chose. Ah bah là, ça va être autre chose. Serge là-bas va nous faire. C'est haut, ouais. Ah, là, c'est la classe. C'est haut, bah voilà. Et haut, ça va. Oui, c'est la classe. Oui, c'est Serge là-bas. Bah oui, c'est Serge là-bas. Allez, on y va. Classe. C'est parti. Serge, vous voulez un Ferrero Rocher peut-être? Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Oui, je suis sale sans toi. J'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars, comme un orphelin dans un dortoir. Ils sont venus avec leur instrument, hein, donc pour commencer, on peut déjà se faire un petit best-of de vos tubes. C'est très bizarre comme phrase. Elle est bizarre cette phrase. Bah quoi, ils sont venus avec leur instrument. Oui, oui. Bah la compagnie créole, oui. Vous êtes tordus. Vous êtes venus avec vos instruments? Oui, il y en a un qui est venu sans, Allez, pour commencer, on peut déjà se faire un petit best-of de vos tubes. On va se faire un petit c'est bon pour le moral. Allez, on y va. Il y a José, il y a Guy, il y a Julien, il y a la belle Clémence. Oh! bonjour. Excusez-moi, vous la connaissez, les gars? Attends, il chauffe. Il a oublié la chanson. Les gars, si vous la connaissez pas, on va mettre le disque. Hein. Vous emmerdez pas. Ouais, poulet, c'est très bon. Ah, les gars, juste s'il vous plaît, vous pouvez dire au Gypsy King de se barrer, qui nous envoie un peu de clair, là. Parce qu'il y a des gars avec des guitares qui sont venus, c'est pas du tout ce que je pensais, là. Donc, d'accord. Donc, les gars, il y a la caravane qui est là, hein, vous prenez vos clics et vos claques, et c'est bon. Allez, ah, ils sont morts de rire. On y va, c'est bon pour le moral, on y va. C'est bon pour le moral. Ah oui. Juste une question, on est sûr que c'est les vrais là, les gars? les chiens, est-ce que vous pouvez nous faire Noël, joyeux Noël? Ah bah oui, c'est bah ma oui, préférée, c'est... ça c'est Bon baiser de Fort-de-France. J'adore. Ce soir on éteint la télé. La compagnie Krug, les gars. Juste une petite question, je vous adore. Juste, ça fait longtemps que vous êtes pas retourné au sol. Ça fait quoi là? Ça fait une petite année là? Mais c'est acoustique. Oh, c'est acoustique, je sais. C'est un plug. J'adore acoustique, en plus c'est l'émission sur TV5 Monde avec mon cousin Sébastien Follin. Ouais, c'est vrai. On peut se faire le douanier Rousseau, les chéris, le douanier Rousseau. Comme dans les tableaux. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des poissons tropicaux, plein de piquants sur le dos. Oh, oh, oh, oh, oh. Vive le douanier Rousseau, la compagnie créole. Je sais pas si je peux abuser. C'est génial. Est-ce qu'on peut se faire ça fait rire les oiseaux? Ah ouais. Parce que j'adore cette chanson, moi, c'est que de l'amour. Moi je me rappelle, j'étais avec un oiseau un jour, j'étais dans mon jardin. Ouais. J'étais avec un oiseau, il est venu me voir. Putain, je vais raconter la blague du curé et des deux putes. Putain, on s'est marrés comme des dingues, c'était génial, c'était que de l'amour, c'était dans le grand cabaret, allez-y. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Tout le monde! C'est génial, c'est la compagnie créole sur Europe. C'est que de l'amour. Les écureuils. J'adore les écureuils, moi. Un écureuil, tu peux lui parler pendant des heures. Alors qu'un humain, tu lui prends vite la tête. Pour finir, on va se faire bien sûr la plus connue. Alors, je vous le dis, hein, parce que je vous dis tout, la compagnie créole. Hein. Moi, ma préférée, c'est ça fait rire les oiseaux. Voilà, parce que j'adore les oiseaux, j'adore rire. Quoi, toi aussi, Clémence? Oui. C'est vrai? Ah, tu vois, comme quoi. On peut faire les amours ensemble, tu vois, si on s'intéresse. Et moi, mais je l'aime bien quand même. Et c'est vrai que c'est le bal masqué, on est obligé de la faire. Ah, bah, c'est bien le 31 décembre. En plus, je rappelle cette phrase qui est assez vraie et que j'ai vue dans Cous Humains. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Ouais, c'est vrai. Dégale gata, voilà. Oh, et oh, et c'est ça. J'ai jamais compris ce qu'il dit. Dégale gata, s'arrêter, ohé, ohé, de danser. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Napoléon. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Cendrillon. Les gars, vous connaissez pas les paroles. Hein. Oui, je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Et aujourd'hui, tout est permis. Tout est permis. Aujourd'hui, j'ai le permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Allez, la compagnie Claude reste avec nous. On se retrouve dans un instant. Aluna. Franck Dubosc et Davidson Intreno. J'ai trouvé un nouveau jeu. Je vais dire les noms de vous, les noms de chacun. D'accord. Sur une chanson. Vous essayez de trouver la chanson. D'accord. Attention, okay. C'est parti. Jérôme Commander. C'est quoi? Juste une mise au point, Jackie Quartz. Bien sûr, exactement. Je n'aurais pas trouvé moi-même. Bah, c'est vrai. Jean-Luc, oh oui, c'est Jean-Luc Lemoine. Bah, Goldorak. Ah, non. L'île aux enfants. Non. C'était Capitaine abandonné, c'était Gold. Ah oui, oui. On peut en faire, nous aussi. Ah, bien sûr, Franck, allez-y. Jean-Marie. C'est Jean-Marie Bigard. Je l'ai. L'été indien. Bravo. L'été indien. J'en fais un. J'en fais un. Roselyne Bachelot. Oh, ouais. Oh, ouais, oh, ouais. Roselyne Bachelot. Oh, ouais, oh, ouais. Roselyne Bachelot. Oh, ouais, oh, ouais. Allez, alors, j'en ai un. La compagnie créole, Jean-Luc Lemoine. Ah, la Marseillaise. Oui. Mais vous n'êtes pas fait chier, moi. Hein. Ouais. Je veux bien essayer. Allez-y, Jean-Luc. Cyril Hanouna. Les démons de minuit. Exactement, les démons de minuit. J'aime bien, pas mal. Vous en avez quelqu'un d'un? Ouais, Gilles Verdez. Gilles Verdez. Gilles Verdez. Ah, ça c'est Turlouin. Bonnie Tyler. Gilles Verdez. Every now and ever gone to Gilles Verdez. Roselyne Bachelot. Ah. Comme d'habitude. Ouais. Quelqu'un là, Gilles Verdez, vous pouvez le chanter, vous. Vous avez quelque chose, Gilles Verdez? Gilles Verdez, tagalac. Elle est très bonne, celle-là. C'était Big Bisou. Ah oui. Jérôme Commandant. Get it up. C'est James Bond. Gilles Verdez, allez-y. Oh, Valérie Benaïm. Il fait flipper, moi. Aux Champs-Élysées. Oui. Aux Champs-Élysées. Ah oui. C'était quoi, ça? Aux Champs-Élysées. J'ai l'impression qu'il était plus en train de s'exciter sur la chanson. Ouais, c'est ça. C'était dérangeant. C'est dérangeant. Ça met très mal à l'aise. Ouais, je vais faire une petite main courante, juste pour le signaler. Ouais, ouais. Juste que les flics soient au courant. On sait jamais. Il y a un mec avec le froc sur les genoux qui chante Valérie Benaïm. Juste voilà. J'en ai une. Je suis très mal à l'aise. Allez-y. Roselyne Bachelot. Ah, fous-moi ta pine dans le cul. Fous-moi ta pine dans le cul. Prenons pas le cul. C'est vrai. Moi, je connais la première partie qui était quand même à mon berger fidèle. Oui, ouais. C'est pas la même version. Je repose sur ton cœur. C'est pas Jean-Marie. Il prend même plus la peine que ce soit subliminal. Il y va direct. J'en fais une dernière si vous voulez. Ou bien j'en fais une. Moi, j'en ai une. Roselyne Bachelot. Ah, c'est le Rito Rolé. Non, mais il se vante parce que c'est la flûte enchantée. Ouais. Moi, ce que j'en sais. Non, c'est le Rito Rolé. Ça n'a rien à voir. La flûte enchantée, c'était la chanson de Jean-Marie. C'est le surnom de Jean-Marie Oignon Ruby. La flûte enchantée, j'adore. On pourrait faire ça pendant des heures. Hein. Valérie. Benaïm, Valérie. On dirait que tu fais une crise de tétanie. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Jérôme. C'est Aïcha. Valérie, Benaïm, Valérie. Jérôme, tant que t'es sur place, fais une deuxième main courante là. Hey, j'en ai une. Oh oui, Bigard, je pense à toi. Oh oui, Bigard, je rêve de toi. Oh oui, Bigard, à la folie. Oh oui, Bigard. Ah oui, dans sa chanson, il y a toute la chanson. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Là, il y avait... Oui, merci Franck, il a raison. On n'a pas respecté les règles et d'ailleurs, on sera radié. C'est comme si j'avais fait « On ira où tu voudras, Jean-Luc, le moi ». C'est complètement ridicule. C'est pas bon, là, c'est ridicule. C'est n'importe quoi, donc c'est zéro, nul, à chier, deux. Allez, on peut parler de Jean Dujardin. Jean Dujardin. Oui, Jean Dujardin. Oui, Jean Dujardin. C'était Jean Dujardin. C'était la pub pour les espadrilles. Ouais, c'est vrai. Jean Dujardin, il fait du vélo. Du vélo et on danse au disco. Et bye bye boulot. Et bye bye boulot. La semaine dernière, le Castorama d'Angoulême a posté un libdub sur YouTube. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à nos auditeurs ce qu'est un libdub, Jean-Luc Lemoine? Vous êtes le libdub, en général, on prend un tube qui est célèbre, que tout le monde connaît, et qui est réinterprété soit en karaoké, soit simplement on fait semblant de mimer les paroles. Mais souvent, on adapte à un tube et c'est fait par les employés de la société. D'accord. C'est pas très bien expliqué, mais je pense que vous avez compris l'idée. Oui, on a compris, vous inquiétez pas. Dans l'esprit, oui. Écoutez ce qu'ils font pour promouvoir le magasin, écoutez. Bienvenue dans notre casco. Que tu sois quiche, que tu sois pauvre, tu trouveras tout ce que t'aimes. Moi j'aime bien. Dans notre casco d'Angoulême. C'est pas un libdub ça. Ouais. Parce que c'est pas une chanson connue ça. C'est ça, moi je trouve c'est pas une création. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un libdub hein, ça c'est. Ils ont créé une chanson, c'est vraiment une créa originale hein, du Casto d'Angoulême. Bienvenue dans notre Casto, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu trouveras tout ce que t'aimes dans notre Casto d'Angoulême. Et si tu as la carte Casto, tu recevras des chèques cadeaux, le service caisse, il te dira les avantages que tu auras. Elle a été vue près de 40 000 fois et ça n'arrête pas de grimper. J'adore, on peut pas en remettre un petit peu, j'aime bien. Ah oui, oui. Oh, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu trouveras tout ce que tu aimes dans notre Casto d'Angoulême. Et si tu as la carte Casto, tu recevras les chèques cadeaux. On peut pas les appeler, je peux pas leur chanter. J'aimerais bien qu'on appelle le Casto d'Angoulême là, que je leur chante un peu la chanson, ça va leur faire plaisir. Mais j'aime bien hein. On dirait du Kenji. Ouais. En mieux. Bah vous avez dit que vous aimez non, bien. Non, non, ouais. Vous avez dit que vous aimez bien. Ouais, ça veut dire que si vous aimez pas, par transitivité, bah vous aimez pas Kenji. Si, non, c'est pas vrai. J'imagine, il y a des mecs qui, toute leur vie, ils essaient de faire des chansons pour passer à la radio. Ils galèrent. Et là, il y a Casto d'Angoulême. Tu l'as passé pendant une minute. C'est très enfantin quand même. Mais moi, j'aime bien. Écoutez, si vous n'aimez pas les enfants, n'en dégoûtez pas les autres. Non, mais moi, j'adore. On peut appeler le Casto d'Angoulême. Pour moi, Casto, c'est le paradis. Moi, j'y vais parce qu'on y trouve tout. Pour ceux qui aiment bricoler, c'est vraiment un endroit idéal. Eh bien, vous allez leur dire parce qu'on va les appeler dans un instant. On va appeler le Casto d'Angoulême. On chantera tous ensemble la chanson Bienvenue dans notre Casto. On va appeler donc Casto parce qu'ils ont fait une superbe chanson. Castorama Angoulême. Castorama Angoulême, Brigitte, à votre service. Bonjour. Oh, Brigitte, bonjour Brigitte, c'est Cyril Hanouna. Vous êtes sur Europe 1. Je voulais vous féliciter pour le titre, j'adore. Casto d'Angoulême, je n'arrête pas de l'écouter. Bienvenue dans notre Casto. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Tu trouveras tout ce que t'aimes. Où ça? Dans notre Casto d'Angoulême. Et si tu as la carte Casto, c'est mon moment préféré. Tu recevras des chèques cadeaux. Le service caisse, il te dira les avantages que tu auras. Brigitte. Oui. Je peux pas avoir le patron, j'ai envie de faire le titre avec vous là, le prochain, de l'enregistrer avec vous. Je suis chaud comme une braise, là, j'adore. Ah bon, mais je sais pas chanter, moi. Non, mais Brigitte, vous avez un rêve avec nous dans le clip, on vous fait une petite apparition. Ça vous fait plaisir ou pas? Michel, je pense qu'elle, ça lui plairait mieux. Ah, c'est vrai, passez-moi Mimiche, passez-moi Michel. Allez, Michel, vous, Michel, voilà. Michel, viens me voir. C'est qui Michel? Elle fait quoi, Michel? Michel, c'est la personne qui chante. Ah, j'adore. C'est elle qui fait toute la chanson, là, Bienvenue dans notre Casto et oui, tout. Oui, c'est elle qui chante. Oh, je l'adore. Je vais vous la passer, elle va être contente. À mon avis, elle est pas là, elle doit être en tournée. Elle est au Zénith Angoulême, là. Ouais, elle a 200 dates. Allô? Allô? Bonjour, Michel? Oui? Comment ça va, Michel? C'est Cyril Hanouna? Non. C'est Cyril Hanouna, on est sur Europe 1. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, merci. Eh, Michel, je suis fan. C'est vrai? Ah, mais j'adore. La chanson, je l'adore. Franchement, je suis fou de cette chanson. Ah, c'est... C'est rythmé, hein, c'est... J'aime bien, ah ouais, ah, ça envoie, hein, ça envoie du pâté, hein. Ah, ça envoie du pâté, ouais. Ah, c'est vous qui avez écrit les paroles, Mimi? Pas du tout. C'est qui? C'est Florent. Ah, je croyais aller me dire, c'est bien Jean-Jacques Goldman. Alors, je vous passe la menuiserie. C'est Florent, il fait quoi, Florent, Casto? Il est vendeur. C'est hey. Outillage, il est bon, c'est le meilleur. Ouais, ouais. Vous direz à Florent que je l'adore, franchement, je l'adore. Et ah, mais je vais lui transmettre, hein. Comment vous avez eu l'idée? Vous avez dit, tiens, on va faire une petite chanson pour notre Casto d'Angoulême. Exactement. Pourquoi il vous a choisi pour interpréter le titre? Parce que je suis pas mal. Ouais, c'est ça. Oh, je l'adore. Oh, je l'adore, Michel. Michel, j'ai envie de faire un truc avec vous, franchement. Faites ça en antenne, quoi. Quoi? Pas sexuel, Michel, qu'on fasse un titre ensemble. Je sais pas, qu'on reprenne la chanson. Vous l'avez bien compris comme ça. Bah oui, bah oui, Michel. Est-ce que vous pouvez pas nous le faire déjà un petit peu en Acapulco, là? Ah non, là, je peux pas, là. Bah, un petit peu. On la fait ensemble. On la fait ensemble. Non. Si, ça va. Non. Et je suis en caisse. Non. Ça va. Alors, Je la démarre. Non, mais tout le monde va te sauver là. Mais pas du tout. Je la démarre. Allez, c'est parti. Bienvenue dans notre Casto. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu trouveras tout ce que t'aimes. Allez, Michel. Dans notre Casto d'Angoulême. Allez. Et si tu as à la Carcasto, qu'est-ce qui se passe si t'as la Carcasto? Tu recevras des chèques cadeaux. Eh ouais, et le service caisse? Le service caisse, il te dira. Qu'est-ce qu'il nous dira? Les avantages que tu auras. Merci Michel. T'adore. Bravo. Oh là, je suis fou. Je suis fou de cette chanson. Tu sais tout faire, hein. Tu l'as fait chanter, tu fais avouer. Tu sais tout faire. Merci Jean-Marie, mais elle a été vue près de 40 000 fois, je vous le dis, hein, et ça n'arrête pas de grimper. 40 000 fois, super. Eh oui, et ce soir, je la mets à la télé. Hein. Ça va exploser les 40 000. Michel, ce soir. C'est à quelle heure? Ce soir, sur la tête d'un chat errant. Si à la fin, ne touche pas à mon poste, on n'est pas à 1 million de vues, demain, je me rase complètement. D'accord? C'est beaucoup. 1 million de vues, c'est 1 million, c'est beaucoup. Hein. Commencez à vous épiler. Je connais, j'ai une grande famille, vous inquiétez pas. En plus, j'avais prévu de m'épiler demain, puisque je pars certainement en vacances cet été, donc je préfère le faire dès maintenant. Bon, j'y suis peut-être allé un petit peu fort. Un million à la télé, déjà. Vous avez fait Jean-Marie Bigard. Non, on va faire 100 000 vues. D'accord. 1 million, c'est. D'accord, beaucoup. Mimi? D'accord. Mais Mimi, ce soir, je la passe obligatoire. Franchement, okay, 18h50, ça va passer, ça va être de la bombe. Super, super. Salut Michel. Salut, bonne journée. Vous êtes à l'amour, j'adore. Mais voilà. Ce que vous comprenez pas, c'est que j'aime vraiment la chanson, moi. Ah bah non, c'est sûr. Non mais vraiment, je suis à fond sur cette chanson. Ce soir, je ne mets que ça. Mais non. Est-ce que ça veut dire que ça aurait peut-être détrôné Kenji? J'ai besoin de réfléchir, mais j'espère qu'ils seront. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, si j'étais vous, ce soir, je le ferais chanter par les frérots de la Vega. Ah, fort. Oh là, bravo. Ah oui. C'est pas. Alors, mais je suis sûr que je suis mignon, ça serait bien avec Johnny. Avec la voix de Johnny, vous imaginez? Je suis mignon. Alors, on va jouer avec les tubes de Johnny, justement, pour vérifier que tout le monde a le jojo dans la peau. C'est très simple, vous chantez, j'arrête la musique, je remets la musique et on vérifie si vous êtes toujours dans le tempo. Ah, Valérie Benaïm, on démarre avec vous, avec une de mes chansons préférées, c'est L'Envie. Oh là là. On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. Kiffe un peu quand même. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Oh là là, pour que je retrouve enfin. Prix. Oh la merde. Merde. Prix. Oh la merde. Attends. À peine pour que j'aime dormir. Il y a un état des lieux. Pour que j'aime le froid, qu'on me donne la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. Ah merde. Trop dur. Complètement à côté. Ah la vache. Valérie Benaïm, 0, nul, 2. On aurait dit Johnny Hallyday qui chantait avec Gilles de la Tourette. Parce qu'elle faisait, qu'on me donne la foi. Oh bah merde. Super dur. Qu'on me donne la foi. T'enculé. Ah là là, c'est une catastrophe. Mais c'est pas la bonne chanson, donnez-moi une catastrophe. Valérie Benaïm, c'est jamais la bonne chose avec vous. Non, on avait l'impression que tu lisais un procès verbal, c'était horrible. Valérie Benaïm est catastrophe, bien sûr, ah oui. Hein, ça va de pair. Et là, on va jouer avec Cartman, qui va nous faire Ma gueule de Johnny. Ah, attention, c'est plus facile. Quoi, c'est toujours plus facile. C'est plus facile. Non, bah, alors, vous savez quoi? Quoi? Eh ben, c'est Valérie Benaïm qui va la faire. Non, parce qu'elle fait la maline. Non, mais attendez, on va voir. Valérie Benaïm, allez-y. Allez, quoi, ma gueule, on y va. Quoi, ma gueule? Ouais, oh, tu te calmes. Oh, ta gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Aïe, top. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Ah bah c'est bon là. Moi, j'ai un gros problème sur l'interprétation. Est-ce que vous pensez vraiment que Johnny Rey fait la même carrière que la voix de Valérie Benaïm? Ah, je ne suis pas sûr. Non, je pense aussi. Je pense que c'est pas possible. On va maintenant laisser le taulier, le patron. Voilà, Jean-Pierre Foucault. Oh non, mais surtout pas. Va chanter Allumer le feu. Non, est-ce qu'on peut tout éteindre plutôt? Non, vous inquiétez pas, Jean-Pierre. Attention, c'est parti. Top. À l'orage. Les barrages. Sentir le loup de sa cage. Sentir le vent qui se déchaîne. Bah Jean-Pierre, c'est pas moi de le faire. Battre le sang dans nos veines. Monter le son des guitares. Et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle. Oh là là. D'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle. Oh là là. Et d'un mot. Oh la vache. Ça c'est J'ai un gros problème. Je vais vous raconter quel est mon problème. Autant Jean-Pierre Foucault, il sait que c'est pas son truc la chanson. Mais j'ai un problème avec une personne autour de la table qui est persuadée qu'elle chante très très bien et que genre à chaque fois qu'il y a une chanson, elle se sent obligée d'accompagner l'interprète. Voilà, mais on lui a rien demandé. J'ai pas dit que je chantais bien, j'ai dit j'apprécie. Est-ce que j'ai parlé de vous? Mais parce que je vois votre regard. Non, mais très sincèrement, c'est gênant parce que on se croyait à l'école des fans pendant que Jean-Pierre chantait, elle le filmait. Non mais c'est ça. Non mais elle est insupportable parce que on vous aime beaucoup. Superman en plus. Hein. Parce que je t'aime Jean-Pierre, c'est pour ça que je veux garder un souvenir. Je ne veux pas que tu m'aimes. Valérie, tu t'es pris deux gadins quand même. Tu ferais faire profil bas un petit peu. C'est vrai, mais j'ai rien fait avec Jean-Pierre. Je le supporte. Vous le supportez, mais lui, il vous supporte pas. Jean-Pierre, est-ce qu'on ferait pas? Parce que Jean-Pierre était très bon. Non, la réponse est non. La réponse est non. On ne fera pas tant qu'on gagne. Est-ce qu'on ferait pas l'envie avec Jean-Pierre? Ah non, je ne connais pas. Allez, l'envie, puisque Valérie Benaïm s'est plantée sur l'envie. Attendez, est-ce qu'on peut la faire en duo avec? Non, je pense pas que je t'aiderais beaucoup là. Moi non plus, je vais ralentir. Allez-vous avec vous. Les auditeurs veulent entendre Jean-Pierre avec Foucault. Vous, on y va, allez, je la fais avec vous. On me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Il est très bon là, Jean-Pierre. Qu'on m'enlève ce qui vient et secondaire. Pour que je retrouve de la vie enfin. Ah bah, il n'y a pas les bons mots. Hein. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. À vous, Jean-Pierre. Pour que j'aime le froid, qu'on me donne la flamme. Oui. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme un an pour rêver. Et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. Ah là là, il est un peu trop vite. On va toujours trop vite. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est pas Johnny qui est en retard? Exact. C'est ça, voilà, c'est ça Jean-Luc Lemoyne. Il essaie toujours de vous remonter, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Bravo Jean-Luc et bravo Jean-Pierre Foucault. Bravo, merci. Ouais, bien sûr, Charles Trenet, c'est ça. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits. Il y a de la joie. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. C'est ça aussi. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Qu'on voit danser le long des golfes clairs. a des reflets, l'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Nelson Montfort, il y a de la joie au théâtre du Ranelagh demain et après-demain à 21h. Merci Nelson d'être avec nous. Merci à vous. Merci mon Nelson. Vous avez fait là une bien jolie sélection. Là, les trois ou quatre chansons qu'on vient d'entendre sont parmi les plus belles, mais il y en a tellement, tellement. Justement, Nelson, j'ai un petit défi pour vous. Vous parlez couramment quatre langues, hein. Le français, bien sûr, on vient de le voir. L'anglais, l'espagnol. Non, le français, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Il parle l'espagnol et l'italien. Alors, est-ce que vous pouvez nous chanter Douce France de Charles Trenet en quatre langues? Enfin, je pense en... J'ai rien répété, hein, j'ai pas de notes. Non, j'ai pas de notes. Déjà, on va la faire en français. Allez, c'est parti. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, mon clocher aux maisons sages, où les enfants de mon âge veulent partager. Mais là, vous me faites rire, monsieur. Bravo, Nelson. Bravo. Nelson, un petit morceau en anglais. C'est parti. Sweet France, oh, my country of my children. Non, c'est trop difficile. Regardez, c'est pas sûr. Cyril, faites-le-vous. Cyril, montrez je l'exemple. Répéterai. D'accord. Avec un texte. Après, sous les yeux. Ça fait... Sweet France, darling country of my childhood. Oh, c'est pas mal, ça. You can believe in my heart. Arcle, I kept you in my heart. Yes, yes, yes. Sweet France, yeah. Querido país de mi. Fort, je suis en espagnol, oui, ouais. Magnifique. Alors allez-y. Ah, je vais arrêter la série, c'est trop c'est difficile. Fort. Merci Nelson Montfort. Vous rappelez-vous du jour de mon anniversaire, lorsque sur cette antenne j'ai eu 85 ans? Bien sûr, je m'en rappelle comme si c'était hier. Vous avez eu la gentillesse de téléphoner au ministère de l'Agriculture. Oui. Pour que... demander que je reçoive, vu mes activités forestières, oui, le mérite agricole. Oui. En début d'année, ma secrétaire avait reçu une communication téléphonique de la part du ministère de l'Agriculture, puis le silence. Et hier, non, une lettre est arrivée. Non. Et vous avez devant vous un chevalier du mérite agricole. Non, non, non, c'est bon. Les tendances sont grand élevées. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, arrêtez vos bataillons. C'est énorme! Eh oui, mais Pierre, mais je suis comme c'est un fou! Dingue. Tout, on a tout fait... ça pour un pins! Aujourd'hui, j'ai lu donc Anthologie des bourdes et autres curiosités de la chanson. L'auteur s'appelle Alistair. C'est un petit livre très sympa. Hein, et notamment, il y a un chapitre sur les hallucinations auditives très intéressant. Alors, je vais vous faire écouter des paroles. Vous connaissez par exemple la Java de Broadway de, ouais, Michel Sardou, ouais, bien, ouais, sûr. Ça fait ça. Alors vous entendez, ça swing, les paroles c'est ça swing comme un meudon. Comme un meudon. Comme un, écoutez, ouais, ouais, bien, la majorité des gens entendent ça swing comme un melon. Ouais. Hein, regardez, écoutez. Ça swing comme un melon. Un melon, ouais. Eh ouais, eh ben, mais alors donc quand vous arrivez chez le primeur, il swing le melon ou pas? Parce que, non, parce que c'est pour, moi je l'amène à danser avec les stars en fait. Hein, c'est pas du tout pour le manger. Vous connaissez la chanson Message in a Bottle, qui veut dire j'ai un message dans la boîte, d'une bouteille sur mon portable. Je sais pas pourquoi. Écoutez. c'est du Camerounais, ça, non? Alors, on est censé entendre « More loneliness than any man could bear ». Ça veut dire pas mal d'hommes mangent de, et boivent de la bière. Hein, voilà. Eh bien, on entend « Mon opinel a du mal à couper ». Écoutez. Ah oui, c'est... C'est horrible. A du mal coupé. A du mal coupé, exactement. A du mal coupé. Bien joué. Vous entendez ça, Pierre Belmar? Ah oui, j'entends parfaitement. Mon opinel a du mal coupé. Ah, voilà, ça, c'est fou, hein. Alors, mais ça ne m'étonne pas. On parle couramment anglais, tous, là. Oui, on parle couramment anglais. Oui. Et on va écouter la chanson préférée de Pierre Belmar. C'est bien sûr les Black Eyed Peas. Ah oui. I got a feeling. Au fond du jardin. Qui fait quoi, I got a feeling? Ah non, mais ça, je ne sais pas. Vous allez. Je l'ai entendu. Écoutez, regardez. Je vais vous dire ce qui se passe. Celle-là, monsieur Bello. Et on a, voilà ce que je comprends. On a l'impression d'entendre Front National laisse les vélos. Ah, ah, bon, voilà, ah, tiens. Recommençons. Regardez, écoutez. Ah, bah oui, c'est ça, c'est clair. Ouais, bah, c'est dingue. Ouais, c'est merveilleux. C'est excellent. Un gars du Front National qui voulait prendre un Vélib. Front National, laisse les vélos. Bah ouais, on est quatre, on était déjà dessus, quoi. Ça va, mec, quoi. Ça va. Après, c'est l'escalade. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, moi, j'adore. Je pourrais faire ça pendant des heures et des heures. Je suis sûr que les auditeurs sont en train d'écouter avec nous. Et là, il y en a une. Bah, souhaitons-le. Bah oui, non, mais ils sont en train vraiment de bien écouter pour bien disséquer les paroles. Vous connaissez Ricky Martin? Oui, 1, 2, 3, que pasito para un tortilla pour la 17, merci. Vous êtes trilingue en fait, hein. Français, anglais, espagnol. Et Ricky Martin, il a le sens de l'hygiène. Ah. Écoutez d'abord, et je vais vous dire après ce qu'on fait. Et là, il dit un tout petit coup de savon et ses mains sont dégueulasses. écoutez bien. On a aussi, vous rappelez, de Patapata. Soyez surpris. Patapata. Patapata, Myriam Makeba. Myriam Makeba. Ouais, bravo, ouais, c'est ça. Bah, écoutez. Patata. Coco, t'as 5, non? Un truc comme ça? Alors, moi, j'entends ça te coûte un Saint-Hubert. Ça te coûte un Saint-Hubert? Oui, Saint-Hubert 41, quoi. Bah oui, bah donc voilà. Ouais, crème parce que alors. Moi, parce que moi, je suis dans les courses à chaque fois, écoutez. Ça te coûte un Saint-Hubert. Ça te coûte un Saint-Hubert. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est les vraies paroles. Et il y a une chanson moi que j'adore. C'est une de mes chansons préférées. C'est Jean-Pierre François. Je te survivrai. Il y a que celle-là, de toute façon. Écoutez bien. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau. Bah déjà, les paroles en elles-mêmes sont magnifiques. Et bah justement, c'est magnifique. Là, il n'y a pas de vanne, il a vraiment dit tout ça. C'est incroyable. Salut les petits trous, cette semaine dans le top PNLP, on va retrouver tous les meilleurs extraits chantés par la bande. Alors on retrouve tout de suite en top 10 Roselyne Bachelot qui chante de l'opéra. Est-ce que vous avez un beau petit grain de voix? Pouvez-nous chanter quelque chose, par exemple le bal masqué de la compagnie créole? Ou la danse des canards, un truc plus compliqué. Ouais, vous connaissez Décalé Catane. Au bal masqué, vous connaissez pas? Non, pas, je connais, mais je vous connaissez pas comme chanson populaire, voilà, comme ça, Roselyne Bachelot. Qui vous vient en tête? Non, je connais des airs d'opéra. Ah, c'est vrai? Bon, on va pas prendre la voiture ensemble, hein. Vous pouvez pas nous en faire un petit, là, Roselyne? Allez. Un air d'opéra? Ah, bah oui. Allez, vas-y, Roselyne. Faites-le nous et je vais découvrir de quoi il s'agit. Allez. Una voce poco fa qui nel cor mi risuono, il mio cor ferito già, si l'indoro fu quel piaggio, si l'indoro mio sarà, lo giurai. Alors, j'ai entendu Piaggio, ouais. Donc ça, il y avait un indice, c'est la sonate de François Hollande sur son scooter. Ouais, c'est ça. Là, ah, ça le dit. C'était quoi ça? C'était quoi le barbier de Séville? Ah, bien sûr, le barbier. Le barbier. Je sais pas quoi dire. Waouh, ça déchire. Maintenant, on retrouve Cyril qui chante un succès qu'on a tous embrassé avec Tarkan. Également, voilà. It's stuck a moon, it's a minute, at again, it's stuck at the yard. Par à l'Eurovision, hein. It's stuck at the yard. In the mercy of the game, it's what love. It's got it mud, it's the winning mud, it's got mud, whoa. Je suis le seul à connaître le couplet. Attends, ça c'est fort. Ouais. On est trois à connaître le couplet de cette chanson. Ça raconte quoi? Bah, dont Arcade. Ouais, dont Arcade. ça raconte quoi? Ouais. C'est une sombre histoire de Houmous. J'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est un mec qui veut faire des bisous, mais il a un gros problème, il a des aftes. Voilà, exactement. Super, on a rien compris, mais c'était génial. En huitième position, si vous n'aimez pas les protocoles, les idifix et les copier-coller, vous allez être ravis. On aura Chaim au téléphone. Oh là. Ah ouais, on aura Chaim au téléphone. Chaim, c'est ça, Chaim. Voilà. Nos sérieux. Nos éclats de rire sont complices. Malheureux. Et alors, on passe tout de suite au top 7, car sans lui, on est vraiment rien sans elle. On est vraiment rien sans elle, qu'on soit noir ou blanc. Ah, c'est bien, vous le connaissez. Alors, elle est pas belle la vie. Maintenant, elle était maquillée comme le top 6 de l'année. C'était dit. Cartman. Moi, ça m'est arrivé en venant, j'écoutais une radio où il passe de la chanson française, et à chaque fois que j'entends Eddie Mitchell, je peux pas m'empêcher de faire Eddie Mitchell toute la journée après. Ah ouais, ça. Tu peux préparer le café loin. Non, c'est Joe Dassin, ça. Oui. Ça n'a rien à voir. Le début, il est en Joe Dassin, le début. Hein. Le début est en Joe Dassin. Je propose qu'on fasse tous une imitation, chacun notre tour d'Eddie Mitchell, parce qu'on l'a tous déjà tenté. Ah oui. Écrase, sirène, puis on pousse sans les. Mort, je bats, je zappe, je smore. Je bats, je tube du bois. Je te sais, tu prends du pain d'argent. Et on fout un peu trop. Et on joue mon salon. Je suis du gars. Je projecteur. La tristesse de l'imitation. Seul le dernier stéréo. I was red, red. 2 millions de vues là. Au moins. Pas de boogie. Avant la prière du soir. Jean-Pierre, vous. Oui. Alors, une chanson qui vous reste toujours en tête. Ah ben, j'ai mis sur une mini cassette de ma voiture, t'as l'air en R16 en venant ici travailler. Ouais. C'est vrai qu'il est encore en R16. Hein. Oh, regarde ta montre, il est déjà 8h. Ah ouais. Embrassons nos temps. Toutes les chansons de Clo-Clo, dès qu'on en entend une, pensez pas pour la journée. Mais là, est-ce que. Moi, je jette l'idée. Ouais. Je vous le dis avant de vous donner le classement des chansons qui restent le plus en tête. Hein. Jean-Marie, je jette l'idée. Je trouve que toutes les chansons de Claude François peuvent être mimées. Je vous jure que c'est vrai. Bah, regarde ta montre. Ouais, il est déjà 8h. Embrassons. Pourquoi vous feriez pas un album mimé de Claude François? Tu sais que c'est une bonne idée. Hein. Bah voilà. Et bah, c'est une bonne idée. Bah, franchement. C'est très, très drôle. Et avec ça, on ferait 6 millions de vues. Bien sûr. Album 10 chansons. 600 000 par chanson. Bah ouais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu mets ton radio réveil sur la musique, il est évident que la première musique qui te réveille, tu la gardes toute la journée. Hein, tu la fredonnes toute la même une chanson que t'aimes pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Et on faisait comme on dit, celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. C'est dans ce Confucius qu'on passe au top 5. Vous connaissez une chanson de Maria Carré, vous, Gilles Verdez? Well, I will always love you. C'est Whitney Houston, ça. Ouais, mais c'est un peu pareil. Non, je peux pas vous suivre. C'était pas Whitney Houston, c'était un asthmatique. On adore Maria Carré. Ah, quand même Gilles, vous aimez bien? J'adore, mais je préfère Whitney Houston. Je sais que vous êtes fan de Whitney Houston. Ah oui, j'adore. Pouvez nous chanter une autre chanson de Whitney Houston que I will always. Donnez-moi le titre et après j'y vais. D'accord. I wanna dance. Pardon? I wanna dance. I wanna dance with you always on my mind. Ok, c'est pas du tout. Mais c'est pas du tout ça. C'est même pas les paroles, c'est I wanna dance with somebody. Mais c'est I wanna dance with somebody. Voilà, merci. J'adore. Et avec j'adore. Ça, il est fan de Whitney Houston. Je l'adore. Ça. Maria Carey, c'est ça. If living is without you. Ah, ça, c'est une reprise déjà. Oui, mais c'est beau quand même. On aurait dû mettre Heroes. Exactement. Ah oui. There's a hero. If you look inside your heart. Ah ouais, Heroes, c'était beau. Vous aimez vraiment ça, vous? J'adore. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid. Voilà, merci Caroline. Heureusement que vous êtes là. Ouls, Inge, Binchoukroute, Saucisse, La, Ra, Fabian, Bred, c'est le coup d'état top 4. Moi qui suis bilingue. Vous êtes bilingue? Français quoi? Français allemand. Ah bon? Même je suis polyglotte en fait, puisque je parle français, anglais, arabe, allemand. Ouais, non, ouais. Et espagnol, vous oubliez espagnol. Espagnol un peu moins bien, un petit peu moins bien. Pas couramment, pas d'accord. Comme les autres langues. Mais alors par exemple, vous dites que vous êtes heureux sur Europe 1. Non, mais par exemple, je peux vous chanter tout de Laura Fabian en allemand. Ah bah allez-y alors. Non, écoutez-moi la chanson. Ich liebe die Dichbrezel. Ich bin Angela Merkel. Ich bin Inspektor de Rick. Ja, ich bin der Schwimmbad. Was so sie Frankfurt? Acht, Jürgen Ruppren, du la Schuckrutten. Voilà. Bravo! Si je peux me permettre, vous aurez remarqué pour vraiment les linguistes qui nous écoutent, j'ai pas fait ça littéralement parce qu'il y avait des pieds qui tombaient par les jambes. L'extrait suivant est petit, même s'il s'agit du top 3, il arrive par un clapement d'or. Quel groupe fait Bamboléo? Oui, les Gypsy Kings, top. On fait 30 secondes de Bamboléo, bien sûr, pour le plaisir. Ça y est, c'est parti. Bamboléo. C'est Mimi Mati. Absolument. Et Mimi Mati adore quand je lui fais ça. J'ai envie de presque l'appeler juste lui faire ça. Et parce que vous la voyez dans l'intimité, vous lui faites ça? Ah non, mais Mimi, elle adore. Je fais perché dona dona perché Mimi Mati. Elle adore quand je lui fais ça. Bamboleo, bamboleo, perché dona dona perchero Mimi Mati. Jamais personne n'avait remarqué que c'était une chanson pour Mimi Mati. Qu'on embrasse. Si aujourd'hui vous y avez échappé, c'est râpé, le top 2 est ennuyeux. Merci. Libéré. C'est bon Boudère, merci. Délivré. C'est pas moi. C'est qui chante? C'est moi. C'est génial, il saute au sol. Je crois qu'il est en pleine dépression, Jeff Panacloc. Le gars, il reconnaît plus sa voix, le gars. Et il se dit à lui-même, ça suffit maintenant, c'est bon. Et le pauvre Boudère, tu dis, Boudère, c'est bon. Mais j'ai rien fait, moi. Et le premier de ce top de PLB est incontournable de par son nom d'alouse ou comico. C'est Kenji. on va se faire un grand plaisir sur Europe 1. Il y a des moments comme ça où il faut juste apprécier, il faut monter le son, il faut se réunir en famille, entre amis, et on va écouter tous ensemble. Ah, ça sent la guitare là. Ah, là ça sent la 205 avec le volant fourrure. Ah, oui, c'est ça. Ah, oui, ça sent la Camargue. Il y a l'hymne de la Ligue des Champions et il y a l'hymne du bonheur, Kenji Girac. Je fais toujours ce même rêve. Je me vois remonter. Et le temps. Revenir à nos plus belles balades. Balade. Tous les deux sur les quais, les yeux vers l'horizon. Attention. Elle m'a aimé. De tout son amour, de tout son cœur. Elle m'a donné. Tout ce qu'elle avait compris. Quand je n'étais rien. Oh là là. Magnifique. Tout, je ne lui ai causé que du chagrin. Elle qui ne rêvait que c'est d'amour. C'est beau, je suis pas bien. J'avais son cœur entre mes mains. Des souvenirs au goût amer. Hey, profite un peu, Jérôme. Sachant que mes actes d'hier. Elle m'a aimé. Comment? De tout son amour, de tout son cœur. Mais qu'est-ce qu'elle lui a donné? Elle m'a donné. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Tout ce que j'avais quand je n'étais rien. Et que j'ai donné en retour. Rien, rien, il a rien donné. Je n'ai causé que du chagrin. Elle qui ne rêvait que d'amour. Bravo. Et voilà. C'était magistral. Merci de nous avoir suivis. C'était le Top PDLP. On se retrouve très vite pour un prochain. C'était Jean-Pierre Seuss. Au revoir. Alors, la semaine dernière, on a essayé de vendre la série policière Belmar Foucault, différentes chaînes, vous vous en rappelez. Avec un grand succès d'ailleurs, on a fait un flop. Oui. On a mis toutes les chances de notre côté, souvenez-vous du générique, hein, on va le mettre rapidement. Bon alors, ça n'avait pas marché, mais aujourd'hui, Pierre, pour votre anniversaire, je veux que vous participiez à Plus belle la vie. Voilà, je vous dis. Ah, c'est bien ça. Ah oui, ah oui. Non mais je vous le dis, c'est pas une idée en l'air. On a déjà travaillé ici à Europe 1. Ouais, on a déjà le générique. Écoutez. Il est vraiment rien sans elle. Pierre et ses bretelles. Belmar n'a pas peur. Béclash. Derrière ses moustaches. Oui, Pierre. Voilà. Bonjour, bon, Pierre Belmar. Ça, c'est bon, très beau. Le générique de Plus belle la mare. Oui. 3, 2, 1, clashez Jean-Pierre. Oh, si, faites du bruit, la famille. Ouais. C'est JP, plus toi. Back to PDLP, les yeux dans le pareil. Vas-y, tonton, prends du son. Wesh. Il y en a marre de Belmar. Ziva, fais pas de narvalo. Raconte pas des histoires si tu veux pas de chicane avec Foucault. On dirait Rosiane. Moi, c'est MCJP, on m'appelle le putois. Je m'arrave. J'enfume toutes les bandes de tartare. Ton flow est tellement amer, on dirait que Belmar, c'est ma belle-mère. Alors, range tes bretelles. Mais plutôt des portes-jartelles. Ziva, cousin. C'est dans le Périgord que tu te caches. Mais avec ou sans moustache. Le Foucault, it clash, cash. Un peu Rosiane, hein, c'est vrai que toi tu fais le rappeur. Je savais pas qu'il avait une culture pareille. C'est pas la culture, man. Attends, hein, je t'explique. Ah, il est dans le personnage. Là, alors, réponse de Pierre Belmar dans un instant. Ah. Pierre Belmar qui va clasher Jean-Pierre Coulon. Oui. MC Jean-Pierre. Moi, oui. Dit le putois contre Pierre Belmar, alias Boubalmusette. Et ils sont en train de se clasher, les deux. Oui, hein, c'est violent. Ah, mais ils ne se supportent plus comme deux gros rappeurs. Hein, voilà, comme deux grands rappeurs. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Booba, un des plus célèbres rappeurs. Voilà, c'est une des chansons préférées de notre Pierrot. Il y a un instant, MC Jean-Pierre dit le putois avec clashé Pierre Belmar. Et maintenant, c'est la réponse, bien sûr, de Pierre Belmar, alias Boubalmusette. Attention, Pierre, 3, 2, 1, clashé. Alors moi, je le fais un peu snob. Hein. C'est un... Ah oui, ah, c'est un rappeur snob. Ah, yo, yo, ici Boubalmusette. Alors sortez les AK-7. Quand Foucault sort son pipeau, moi je sors ma trompette. C'est charmant, non? En deux chevaux sur la Canebière, le Jean-Pierre il fait son fier. Mais moi je serais millionnaire, je vendrais mes objets populaires. Hein? Il paraît que Foucault présente l'auto pour tripoter des boules. Alors que moi dans ma ferme, j'ai des vraies poules qui bougent leurs boules, donc. T'es vénère! Contre Geneviève de Fontenay! Car elle t'a fait bigrave, hein? Bon. Alors que moi, Bénaïm de Fontenay, même tarif! Je les ai bouillaves. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est ça qui est bon. Non, je sais absolument pas ce que j'ai. Mais j'adore. Je suis incapable il a bien de dire. Peut-on dire à Pierre ce que signifie bouillave? Oui, parce que visiblement, vous m'avez bouillavé. Pour sa femme qui nous écoute. Dites-lui vous. C'est quoi bouillave? Honoré. Oui, voilà, c'est ça. Honoré, c'était. Honoré. Coucher avec une dame. Pas le gâteau, voilà. C'est ça, pas le Saint-Honoré. Oui, c'est pas forcément honoré que de coucher avec une dame. Dans ce milieu-là. Souhaitons-le. Dans ce milieu-là. Alors, Olivier de Kersauzon, pour vous, qui a été le vainqueur de ce clash? Pour moi, le vainqueur, c'est la première partie de Foucault lui donnait quand même une chance d'être vainqueur. Ouais, c'est vrai. Mais je dois dire que l'intervention de Belmar en finale, tellement avec le bouillard gracieux, avec ce fond de violence qui lui est propre, qui donne tout à fait les teintes du rap profond. C'est vrai, on était à Harlem. C'est le rap qu'on aime, c'est celui auquel on adhère, on aime bien entendre ces deux-là s'attaquer, se faire la guerre. Moi, ça me fait plaisir. Et pour moi, de mon côté, je préfère celui qui est à ma droite. Tu vois, il se tient, il a pas les mains moites. Il peut te niquer la gueule, il peut t'écraser. Voilà. C'est celui-là que je prends, c'est mon meilleur à moi. C'est Belmar. Olivier de Kersauzon, excellent. Bravo, Olivier. Et donc, c'est Belmar, le roi du clash. Allez, on va passer. Le vrai vainqueur, c'est la langue française. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est sûr. Bravo. Bravo, merci. Merci de relever le niveau. Bravo, Jérôme Commandeur. La Fouine va donc affronter notre rappeur local, Pierre Belmar, alias Boubalmusette. J'y tiens, Boubalmusette. Voilà, la règle. Ça va marquer. La règle du clash est simple. Chacun votre tour, vous allez clasher votre adversaire jusqu'au gong. À la fin du clash, c'est Jean-Pierre Foucault qui décidera qui a remporté la battle. Attention, La Fouine, c'est parti. T'es prêt, Pierre? Oui, pareil qu'il y a un pépé qui veut me clasher, qui me traite. Je comprends pas, Cyril. On est dans une radio ou une maison de retraite? Alors, c'est vrai. J'ai trop de respect pour Monsieur Belmar. Mon arrière-arrière-grand-mère était déjà fan de toutes vos histoires. J'ai rien contre les moustaches. Ça me rappelle mon chat, Pistache. Et j'ai d'or, gros bretelles, commandé par Minitel. Pour pas casser ton sonotone, je crois que je vais essayer de rapper moins fort. Et puisque vous les avez connus, dites-moi, ils sont sympas, les dinosaures. Je suis pas allé voir, mais on m'a dit que t'avais un bon fond. Pierre, je te verrais bien en couple avec Geneviève de Fontenay. Bon, ouais, ça a clashé. Jean-Pierre Foucault, pas mal. Pas mal. Haut niveau. Oh, Pierre, attention. Attention, Boubalmusette, c'est à toi, Boubal. Vas-y. Pareil qu'il y a un gadjo qui veut se mesurer à papa. Alors, Big G, sans la sono. Papa va foutre la d'avoir, hein. Yo, yo, ici, c'est Boubalmusette. Alors poto, fais gaffe au coup de tête, hein. Wesh bolosse, tu fais tiep avec ta barbichette. Ça me rappelle Suzette, tu sais, ma vieille biquette. Tu veux wesh les lascars en faisant le daron dans ton quieta? Mets-moi dans le périgord sur la tête de ma ref, je suis la hardcore. T'avais encore des chaussures à scratch, moi je me tapais déjà des biatchs. Rebeu, Renoir, Badbou, le Belmar, il clash tout. Je te file la morale de cette histoire. Si tu veux te taper des barres, hein. Et pendant que la Fouine il tapine, le Belmar, il a un piton dans le zibar. Bravo Pierre Belmar. Oh là là. Ah, c'est la première fois que je parle à Arnaud. Ciao. Notre invité, Franck Leboeuf. Ah, bah là, il y a KO. Ça pose la première, la fouine, il en a pris une. Ah, mais c'est pas ça, mais la fouine, on l'oblige à parler français. Maintenant, je veux savoir si Pierre a compris ce qu'il a raconté. En plus, il continue les clashs. Non, mais finir, t'es parti, on va finir. Jean-Pierre Foucault, qui a gagné le clash. Pierre Belmar a mis KO la fouine. Debout. Vous imaginez quand la fouine va retourner dans son quartier. Ah, le retour à la réalité là. Je crois que je vais prendre mon marqueur, je vais aller marquer sur l'ascenseur. Nick Pierre Belmar. Ça fait long. Vous imaginez dans le quartier, vas-y, tu sais que la fouine, ils sont embrouillés avec Pierre Belmar. Hein. Gros mais clash, imagine, ça part vraiment en clash, quoi, tu vois. Ouais, ça. Mais ils se battent et tout dans le... Oui, avant qu'on fasse le truc là. Il m'a donné tous les conseils nécessaires pour parler, parce que j'ignore tout ça. Ouais, c'est vrai. La fouine m'a demandé, c'est un ami et je lui refuse rien, de prendre sa revanche. Donc deuxième clash entre la fouine et Pierre Belmar. La fouine, vous allez démarrer, c'est vous qui allez clasher Belmar. Attention, 3, 2, 1, clasher. Eh, hey, la semaine dernière, papy, t'as voulu me faire la zermie. J'espère que cette fois, t'as pris du Viagra pour être moins endormi. Alors, mon Pierrot, t'as voulu faire le show, genre acteur X. T'es tellement vieux sur ta photo de classe, à version Gétorix. L'autre fois, je t'ai vu à la télé, ouais, je t'ai aperçu à l'écran, mais bon. J'ai beau régler mon téléviseur, t'étais toujours en noir et blanc. Samedi, je suis passé chez toi, je voulais t'emmener en soirée, mais bon, je suis venu à 18h30, t'étais déjà couché. Tu sais, je voulais régler ça en clash, en antenne, genre vrai gars hip-hop. Le problème, c'est que tu mets des stops et puis que tu reçois pas mes SMS sur ton bebop. Ah, attention. Ah, il est en forme, là. La fouine a aussi le retour. C'est l'escalade dans la violence. Là, oui. L'escalade de l'horreur. Ouais, faut m'envoyer faire le service là. Alors Pierre Belmar, vous avez préparé une réponse pour la fouine. Pierre Belmar, est-ce qu'il vous a fait peur? Est-ce que vous trouvez qu'il vous a clashé? Ah oui, très bien. Attends, non, excellent. Ah oui, excellent clash. Ah oui, quand même. Excellent clash. Excellent. Ah, il est content. Il y a votre taser qui dépasse dans le clash. Excellent clash. Allez, on y va, Pierre Belmar, on vous écoute. Je sais pas si c'est mon sonotone qui déconne, mais on dirait qu'il y a une zoulette qui miaule sur la banquette. Hein? Vas-y, DJ, balance le beat, il y a un caniche qui joue les pites. Yo-yo, Boba de Musette est dans la street. Alors la fouine, prépare le maillot, hein. Je vais te manger comme un steak frite. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive, Scarla, hein? Tu veux te péter? T'as fait un bad trip? Hein? Quand je t'aimais, ce que t'as dans le sip, tu me rappelles une tasse pide dans mon dernier film. Zarma, tais-toi, le démito, dis-moi, je comprends pas. T'es une fouine ou un blaireau, hein? Tu dis que je suis euse? Mais j'ai 1000 ans avec mes vieilles bretelles? Mais c'est vrai que tu me rappelles Jeanne d'Arc? Tu sais, la petite pucelle, hein? Bon, allez, hein? Tu me gaves, je rentre chez Oim, Paname, c'est trop grave. Alors ramène ton boulot dans le Périgord grave, je te ferai tourner dans ma cave. Oh, oh là là! Oh là là! Il y a eu chez Wim quand même. C'est énorme ce qui se passe dans le studio. Il y a eu chez Wim quand même. Alors, je vais vous expliquer aux auditeurs. Chez Valérie Benawim. Il y avait marqué donc moi en verlan, donc c'est chez Wam. Et donc Pierre Belmar l'a rendu chez Wim. Voilà. Bah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais je me demande s'il va pas lancer un truc. Hein. Il se passe quelque chose de fou dans le studio parce qu'il y a tout Europe 1 qui est venu pour ce clash. Le studio n'a jamais été aussi bondé. C'est ici que ça se passe. Hein. Vraiment, tout le monde veut voir c'est le clash. C'est the place to be. Bah, ça change des showcases en maison de retraite. Le clash La Fouine Pierre Belmar. Comment vous l'avez trouvé, La Fouine? Il vous a... Bah, je pense que bon, ça fait pas longtemps que je fais du rap. Je venais à signaler un peu tout le monde. Ouais. Et bah, je pense que j'ai trouvé plus fort que moi. Non. Attendez. Alors qui pense que c'est Belmar ou Belmar ou La Fouine? Belmar. Bien enfin, sûr. Enfin, Booba Almuzette. Ouais, Booba Almuzette. C'est vrai. Il faut plus l'appeler Belmar. C'est Booba Almuzette. Booba. Pierre Belmar, Booba Almuzette. Vous voulez prendre en fait la défense de Joey Starr parce que j'avais pas mal compris. Vous êtes contre Booba, hein, vous. Hein. Enfin, je suis contre personne, vous savez, mais enfin, quand même. Voilà, quand ça, même, ça, ça vous même. Énerve. Je vais aider quand même Booba. Alors, vous voulez donc laisser un message à Booba. Oui. Vous voulez qu'on mette un petit beat derrière ou vous commencez comme ça? Je commence comme ça direct. Allez, c'est parti, alors. Yo, ouais. Yo, wesh ma gueule, hein? À tous les frérots en studio, en zonzon, hein? Quand ça sent le clash, Booba le musette sort son canon. Alors, envoie du son, t'entends? Hé, hey, Booba, je te parle, hein? Je te parle de Babou. Arrête-moi! Qu'est-ce qui se passe, Tarba? Hein? Tu mets la zermie à mon photo, je l'ai. Mais tu veux quoi? Tu veux te péter? Man, pourquoi tu te vénères? T'as cru que j'avais pécho ta grand-mère? Joystar était déjà dans le terre-terre, toi t'étais encore dans les youkous de ton père! Alors, Scarla, cherche pas l'embrouille, hein? Zarma, t'es devenu sourd à force de te toucher la nouille, hein? Tu me fais tiep avec ta petite bouille. Je te rappelle que lorsque papy a la trique, c'est toujours toi qui mouille, hein? Mais au final, Boba, la fouine et les autres crevards en mode pogos, n'oubliez pas les bolosses de Miami à Biscarros, c'est Booba le musette qui reste le must. Booba le musette. Ah, il a calmé tout le monde. Ah, Booba le musette. C'est lui le patron. Ah, c'est lui le patron. Ah, ouais. C'est Booba le musette, hein, le patron. Ça y est, on l'a compris. C'est vraiment l'émission de Pierre Belmar. Ah, ouais. Entre sa médaille. C'est mon grand moment. Ah, c'est votre Pierre, grand moment. Par contre, on nous a appelé, on vous retire le mérite agricole. Mais pour le moment, on place au rap, puisqu'on parlait de Booba. Et Pierre Belmar, bien sûr, a quelque chose à nous dire. C'est parti. Top. Yo yo les cam, Bobal, musette est dans la place. Premier qui me fait une grâce, voilà Nardim, je le fracasse, hein. Oh, DJ, il vient ce beat ou je te mets un front kick? Bon. Hé, hey, Gadjo, sors ton gilet pare-balles avant que je fasse mal, hein. Plus fort qu'un toucher rectal, on parle de Boubal dans mon journal. Zamma, apparaît que je suis le king des poètes, que je fais zouker les oulettes. Même si je suis pas Victor Hugo, hein. Viens faire Cosette à ma baguette. Wesh les bolos, Baudelaire, Prévert, Apollinaire, amène-les sur mon terre-terre et je les fais pleurer leur mère, hein. Je suis pas le lièvre ni la tortue, et surtout pas la fouine, hein. Et même sans cigale et sans fourmis, j'ai pêché mes lames. Alors Jean-Joseph, passe le sage-mi à tes incous, du valet, du bélé, oust, caca, oust, et dis-leur surtout pire que Rambo face à Rimbaud, moi c'est Boubal, et je dis tout. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Booba le musette. Non mais Indétrônable. Pierre, vous êtes loin devant les autres. Ah oui, oui. Je vous le dis, arrêtez de me parler de tous les rappeurs. Non, j'ai un très bon auteur. Le patron est là. Non, mais franchement, Pierre Belmar dans la place. Vas-y, Booba le musette, j'aime bien. Alors Jean-Joseph, il fait partie effectivement. Pierre Belmar fait désormais partie des plus grandes poètes français avec 1m84. Je ne connais pas beaucoup qui soient plus grands. D'ailleurs, parce que Baudelaire ne faisait qu'1m77. C'est vrai, gros, Jean-Joseph. C'est vrai que les poètes, voilà. C'est vrai que les poètes sont plutôt petits. Hein. Ça peut être de taille. Non, mais oui. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Alors, dans l'un qui a décidé de réagir, hein, dans l'équipe, c'est le rappeur des pieds dans le plat. Voilà, il est un peu vénère. C'est Pierre Belmar, alias Booba le musette. Il est en mode hip-hop. Il va répondre à la crime. C'est parti, Booba le musette. En mode hip-hop? À chipper, à choper, par qu'il y a des meufs à choper? Booba le musette, jamais en cavale. Alors, DJ, envoie un son bien sale, allez, sur la tête de ma rhum, dans mon slip, c'est le carnaval. Ah, il y a un crime. Et voilà là, Nardim, écoute bien mon blaze. Ici, c'est Booba le musette, je m'échappe de tout, pas même d'Alcatraz, hein. Yo, mesquine en Thaïlande, tu la joues, Gosmo? Genre, tu bicraves? Zarma, arrête de poucave. Moi, je suis à Paname et Géraldine, je la bouillave, hein. Hé, rageux, fais pas le mytho avec tes coups de pression sur Facebook, hein. Ben, tu fais la chèvre, c'est papy qui fait le bouc, hein. Ramène ton zec dans mon ghetto, j'ai pas robe des chaouches. Wham, je porte ta stache mou. Toi, tu portes encore des couches, hein. Bon, je te laisse, mec. Avant que je parte en sucette, ici ça sent la schneck. Bon. À mon avis, la Benaïm, elle veut se faire cuire comme un bon steak. Bravo. Excellent. J'adore. Voilà, c'était la réponse. Bravo. De Boubal Musette à la crime. Et ça, c'est du bon. C'est, ça. C'est une sorte de chose extraordinaire parce que je ne comprends pas une syllabe de ce que je dis. C'est comme Mike Brandt. Je suis le Mike Brandt de l'argot. Eh bien, vous le faites très bien, Pierre Belmar. Bravo, Pierre Belmar. Alors, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que j'ai la vive impression que tous ces petits jeunes là du rap énervent notre star du rap à nous, le célèbre Boubal Musette. Ouais. Apparemment, il veut donner son avis sur la montée des petits jeunes. Booba, est-ce que vous êtes prêts? Yo yo. Boubal Musette. Qu'est-ce qui se passe? Yo yo yo, à tous les blédards, les Rénois et les Zoulettes, faites un maximum de bruit pour Boubal Musette. DJ, je vois le bouffant, hein. Envoie du break et envoie du best. Quand les jeunes me pètent des steaks, wesh, moi je sors ma frite. Hé, les tarbasses. J'ai un sage-mé pour Big Flo. Oh, Jules et les cveux, prévenez vos darons, parce que dans mon calbar, Zarba, c'est le feu. Ah, les michetons, vous arrivez sur la terre-terre. Jean Gaillera est en mode grosse beau, hein. Mes skins, si je sens le karcher, je suis plus vénère que Sarko dans mon ghetto, hein. Toi, le Dejeuns, tu bicraves sur Instad, sur Twitter, sur Snapchat. Sors-moi mon Viagra et on va voir qui va miauler comme une petite chatte, hein. Nardim, je vais le redire une fois pour toutes à tous les bolos qui ont le seum. Y a qu'un taulier dans le rap. C'est Boubal Musette, alors va niquer ta rhum. Pierre Belmar, excellent, Boubal Musette. Ah, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Bravo. J'adore. Ah là, moi j'aurais attendu 52 ans pour entendre mon ami Pierre Belmar dire va niquer ta rhum. Merci mon Dieu. Merci, merci, merci. Tu es là et tu fais quelque chose pour moi. C'est magnifique. Il sait pas du tout ce qu'il disait. Mais là, rien. Je ne comprends pas un mot de ce que je raconte. Mais c'est ça l'avantage. Vaniketa. Sans ça, je ne dirais jamais ça. Oui, je sais. On le sait. Hier, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Hein. Dans cette émission, nous avons parlé de jeunes rappeurs qui sont dans le top des ventes, qu'on aime énormément. Je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Ils s'appellent Big Flo et Oli. Ils viennent de Toulouse. Ils sont frangins. Ils ont 18 et 21 ans. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils chantent ça. C'est qui c'est de là, c'est qui c'est de là, mais c'est qui c'est de là. Elle dit te demande encore. C'est qui c'est de là, c'est qui c'est de là, mais c'est qui. Ils sont très, très forts. Très très fort dans les textes, très très fort dans ce qui compte. Il y a encore le titre Gangsta par exemple. Je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta, j'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les. C'est bon, hein. C'est très très bon. Mais un résultat hier, notre rappeur maison Pierre Belmar, alias Boubal Musette, n'a pas pu s'empêcher de dire ce qu'il pensait de ces Jones. Parce que ces Jones viennent marcher sur vos plates-bandes. Et oui. Vous n'aimez pas ça. Et non. Hier, Boubal Musette les a clashés. Hé, les tarbasses. J'ai un sage-mé pour Big Flo. Oh, Jules et les cveux, prévenez vos darons, parce que dans mon calbar, Zarba, c'est le feu. Nardim, je vais le redire une fois pour toutes à tous les bolos qui ont le seum. Y a qu'un taulier dans le rap. C'est Boubal Musette, alors va niquer ta rhum. Voilà, c'est toujours un succès. Ça, c'était hier. Eh bien, figurez-vous que les rappeurs Big Flo et Oli, écoutez Europe 1, et on les a au téléphone. Non. Ah non. Et ils sont vénères. Oh, excellent. Ils sont vénères de ouf. Bonjour Big Flo et Oli, comment ça va? Yo, ça va? Merci d'être avec nous, vous êtes des amours. Je sais que vous cartonnez en ce moment. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur Europe 1 dans les pieds dans le plat. On est fan à fond. Pourquoi vous venez pas faire des raps dans l'émission là, dans les pieds dans le plat, dans touche pas mon poste, tout ça? Plaisir. Vous êtes trop forts les gars, je vous le dis, franchement vous êtes trop forts. Vous avez entendu Boubal Musette hier, hein? Ouais, bien sûr, la légende. La légende du rap, bah ouais. Alors il vous a clashé, hein. C'est pas la première fois qu'il clash des rappeurs. Qu'est-ce qui lui arrive à lui là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec lui là? Eh ben, je sais pas, mais on pouvait pas laisser passer ça, nous. Donc vous voulez lui répondre? Ouais, on a préparé une petite réponse là. Pour Pierre Belmar, eh ben écoutez, Big Flo et Oli, ils ont préparé quelque chose et ils veulent clasher Boubal Musette. C'est parti. Yo, c'est Big Flo et Oli, on vient répondre au clash. Big Flo et Oli vs. Non, Oli, faut que tu rappe plus fort, sinon il n'entend rien. Ok. Big Flay, Oli, VS, Booba, Almuzette. T'as pas signé en maison de disque, mais en maison de retraite. Une calvitie sous la casquette, t'es aussi vieux que tes cassettes, les pieds dans le plat. Pourtant, t'es pas dans ton assiette. T'as voulu te mesurer à nous, on t'a mis sur le tapis. Cyril, rappelle l'émission, touche pas à mon papy. T'es un vieux crouton soudant, tu vas pas vite, t'es tout lent. Le seul rappeur qui fait du breakdance sur fauteuil roulant. Te clasher, te vanner et gagner, c'est fastoche. Ton flow, on l'a jamais vu, donc on l'appelle Patoche. Tes paroles sont comme ta voix, vide et monotone. Bip, merde, j'ai fait bugger son sonotone. On fout la honte devant le monde entier. La dernière fois que t'as embrassé une meuf, t'as laissé ton dentier. Arrête le rap, va faire du rock ou de la soul. Ta musique, c'est comme ce que tu manges, c'est de la soupe. Nous, on évite des rimes de fou, on évite des balais, on reste debout. Flo, va pas trop vite, sinon il comprend pas tout. Je te clash, mais je te jure, c'est pas sincère. Car j'aurais kiffé que Pierre soit mon grand-père. Yeah. Oh là là, c'est génial. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Vous avez vu comme c'est bien écrit? Non, mais c'est trop excellent, drôle. Mais je l'ai écouté ce matin, mais je me suis régalé. Ah, merci beaucoup, Cyril. Merci. Non, mais franchement, vous êtes trop fort. Mais bon, là, vous faites les petits malins. Donc, c'est vrai que c'est très fort ce que vous avez fait. Mais, vous croyez vraiment que Booba Almuzette, il va laisser passer ça? Aïe. Est-ce qu'on a réveillé le démon? Eh oui, vous avez réveillé le démon. Il veut vous répondre. Qu'est-ce qui se passe, Booba? Yo, les scarlets, ici, c'est Booba Almuzette, hein. Je viens d'entendre Big Flo et Oli qui me clash sur la tête de ma rhum, j'ai l'impression d'être à la maternelle pour que j'a cache-cache, hein. Ils n'ont pas encore un poil sur le zag et ils me défrisaient ma moustache. Sur le zgeg. Et ils me veulent défriser ma moustache. Et hey, DJ, envoie pas un son pour les taspés. Il y a Pépé qui semble attancher. C'est parti. Ouais, la MIFA, on me dit qu'il y a deux puceaux qui jouent des darons. Et vous les billes, descendez du toboggan, hein, si vous voulez me mettre un coup de pression. Dites à votre Russe que lorsque Lieuve, il a ramené le prompteur sur terre, hein. Zama, vous étiez pas encore dans l'IECU de votre père, hein. Voilà. Allô, qui me parle, qui me sonne? Non. C'est pas mon sonoton qui déconne. Si je vous entends rap, c'est parce que vous rappez avec une tétine dans la bouche. Wham! Pendant que je me fonce à la soupe, il y a votre homme qui change vos couches. Voilà la lardime. Au final, je vous kiffe grave, mes petits fonds. Alors, si vous voulez que je devienne le papy de Big Flo et Oli, tapez 3615 Boubal, comme vous me ferez plus de pipi au lit, hein. Et bim, ouais. Oh, bravo. Ça reste quand même le patron. C'est le taulier. Mon moment préféré, c'était quand même Walala Nardine. Oui. C'est, vous savez, il me faisait penser, vous savez, les mecs qui vont genre en vacances au Maroc, voilà, qui arrivent au club et qui font, vous savez que je parle un petit peu votre langue, Walala Nardine. Chokran mon ami. Il a créé du lien. Walala Nardine le tagine. Et Big Flo et Oli, est-ce que vous êtes toujours là, mes chéris? Oui, on est toujours là. Bon, il y a rien à dire. C'est quand même le meilleur. Ils ont été sonnés là. Big Flo et Oli, je voudrais vous remercier très très fort, vous dire qu'on vous aime. Bravo. Vous êtes exceptionnel, vous avez un très très gros talent. Je rappelle que l'album de Big Flo et Oli est dans les bacs depuis le 1er juin, ça cartonne. Ça s'appelle La Cour des Grands et c'est à écouter, je vous le dis, de toute urgence. Et cet après-midi à 17h30, allez les voir parce qu'ils sont... Quoi. Bah oui, c'est dans là. Quelques minutes. Mais c'est vrai, dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Chose, bah oui, vous êtes au Cultura de Saint-Aune, à côté de Montpellier, pour une séance de dédicace. Bah les gars, merci d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Et il faut revenir nous voir, hein. Cyril, on vient te voir quand tu veux, que ce soit dans les pieds dans le plat ou sur TPMP. On est fan à fond. On est chaud. Eh bah, ben, vous allez venir. Je pense qu'on va vous voir très très souvent à la rentrée. Vous, je sais pas pourquoi. Je le sens comme ça. Je vous embrasse très fort. Allez, merci les gars. Merci d'avoir été. Tout le monde. Merci beaucoup. Ah, ils sont très forts, hein, vraiment. Et vous avez vu, non, le texte était parfait. Je pense qu'on va se le réécouter. Hein. Ah oui. Le oui. Clash à Booba avant la fin de l'émission. Tac au tac comme ça, c'est extraordinaire. Ah, à peine hier, paf, et déjà, non, un beau jaillissement, vraiment. Merci. Et les jaillissements, ça le connaît.